voilà. Alors pour la suite, eh bien aujourd'hui ça va être très nuageux. On a quelques bruines ou petites pluies qui circulent sur le pays. C'est pas bien grand chose, c'est sur les frontières de l'Est pour l'instant. On a un ciel très nuageux, on guettera une éclaircie, mais franchement pas une météo affriolante avec 16 à 19 degrés, peut-être 20 du côté de la Campine. Et la semaine va un petit peu être du même tonneau avec de jour en jour des perturbations très affaiblies qui arrivent sur notre pays et qui se traduisent surtout par un petit peu de bruine. Demain ce sera en soirée, mercredi ce sera le matin, jeudi ce sera plutôt en première partie de journée et vendredi ça devrait être un petit peu plus calme. Vous écoutez Viva, il est 9h. Et on s'informe, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. C'est l'homme dont tout le monde cause ce matin, Monsieur Eden Hazard. Le capitaine des Diables en toute grande forme hier soir lors du match face à la Hongrie. Une prestation saluée par les supporters, par la presse et par l'entraîneur. Il se sent bien, je pense que voilà, aussi bien les responsabilités qu'on lui a données. Il est capitaine, donc il est responsable de ce groupe. On l'a fait avancer un peu plus vite. Il n'y a pas de problème. Je sais ce qu'il peut faire et ce qu'il peut apporter. Donc avant le match, il dit tu commences à m'énerver, tu ne frappes plus jamais. Voilà, donc tu vas maintenant enrouler, tu fais des actions, mais tu ne vas pas au bout, donc tu n'es pas efficace. Et là maintenant, il fait assis, c'est tout ce qui me fait plaisir, c'est son dernier but. Marc Hummels très satisfait donc au micro de Thierry Luters, les Diables qui ont écrasé la Hongrie 4-0. Eden Hazard a marqué un des 4 buts belges. Et François Zalewski, on peut dire que ses dribbles, ses slaloms, ses accélérations et ses passes ont fait sensation. Oui, ils sont nombreux à avoir crié au génie après cette prestation sur les réseaux sociaux. D'abord, simple anonyme ou sportif reconnu comme Janina Wickmayer, Gary Lineker ou Vincent Kompany. Le petit lexique du superlatif se décline aussi dans la presse ce matin, stratosphérique, exceptionnel, fabuleux et j'en passe. Plusieurs journaux belges lui attribuent même une cote de 10 sur 10. À ses équipiers ont également participé aux éloges. Thibaut Courtois n'a pas hésité à dire que lorsqu'il évolue comme ça, Hazard est tout simplement le meilleur du monde. Heureusement, s'il est capable de mettre le feu sur le terrain, il a aussi l'intelligence de ne jamais s'enflammer. Le plus dur, ce sera effectivement de confirmer lors du prochain match. Et le prochain match, c'est vendredi à 21h puisque la Belgique affrontera le Pays de Galles en quart de finale. Un match qui se jouera à Lille, non loin de la Belgique. Donc aujourd'hui, on dispute les deux derniers huitièmes de finale de cette Coupe d'Europe. Italie-Espagne à 18h, un match très attendu puisque c'est un remake de la finale d'il y a 4 ans. Et puis à 21h, l'Angleterre affrontera l'Islande. En football encore, Lionel Messi a dit adieu cette nuit à la sélection argentine, battu cette nuit par le Chili au tir au but en finale de la Copa América. Messi renonce à jouer pour son pays à l'avenir. La Belgique repart en guerre contre les terroristes du groupe État islamique. 6 avions de chasse F-16 vont décoller d'une minute à l'autre de la base militaire de Kleinebrogel. Baptiste Dupin vous est sur place. Baptiste, ce n'est pas la première mission du genre pour les pilotes belges, mais cette fois, la mission est élargie à la Syrie. Oui, vous entendez déjà derrière moi les réacteurs de ces F-16 qui chauffent avant le décollage. C'est la deuxième fois que la Belgique s'engage avec ses avions de chasse dans cette coalition. Nom de l'opération Desert Falcon, une opération qui ne se lie des avions de chasse dans cette coalition. Nom de l'opération Desert Falcon, une opération qui ne se lie. Mais un responsable de la mission a tout de même reconnu que la majorité des opérations concerneront l'Irak. Ces F-16 feront des missions de reconnaissance aérienne. Ils viendront aussi en aide aux troupes irakiennes au sol. Mais ils pourront également mener des frappes pour affaiblir les positions du groupe terroriste État islamique. Lors de leur dernière mission entre septembre 2014 et juillet 2015, les avions de chasse belges avaient effectué près de 300 frappes aériennes. Les précisions donc sur cette nouvelle mission pour les F-16 belges de Baptiste Dupin depuis la base militaire de Kleinebrogel dans le Limbourg. La situation se normalise à l'aéroport de Bruxelles. Une panne informatique est venue perturber l'enregistrement des bagages ce matin. Le problème est résolu, mais il pourrait encore y avoir quelques retards tout au long de la matinée. Non, tous les étudiants ne sont pas encore en vacances. Ceux de médecine, par exemple, doivent encore passer le concours de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le fameux concours de fin de première année, ce filtre qui, pour voir qui pourra poursuivre ses études en deuxième année l'année prochaine. Et Yasmina Favaro, on peut le dire, les places sont comptées. Oui, seuls les 605 meilleurs à ce concours pourront continuer leurs études en septembre, ce qui est très peu. Chaque université a droit à son quota. Un exemple, dans la seule université de Liège, après la session de janvier, il ne restait plus que 240 étudiants. Après ce concours, eh bien, seuls 124 seront admis, soit la moitié. À noter aussi que le classement établi en juillet ne sera pas définitif. Il pourrait être bousculé par les résultats des étudiants qui réussissent en deuxième session. Alors ce concours, nous vous le rappelons, a été instauré par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour s'assurer qu'il y aura suffisamment de numéros inami pour chaque lauréat à la fin des études, le précieux sésame pour exercer la médecine chez nous. Et donc, Yasmina, chaque université organise ce concours. Oui, et aujourd'hui, ce sont les étudiants de l'ULG, de l'UCL et de l'UMONS qui le passent. Ça devrait durer toute la journée. Les étudiants de Namur l'ont déjà passé samedi. Et pour ceux de l'ULB, eh bien, ce sera vendredi. À chaque fois, les universités se sont assurées que les étudiants ont une semaine de préparation après leur session d'examen traditionnelle. Et Yasmina Favaro avec Anne Poncelet. Nouvelle manifestation des agriculteurs ce matin. Une cinquantaine de tracteurs démarrent de la province de Luxembourg, direction le Grand-Duché où se tient une réunion des ministres européens de l'agriculture. L'action ne devrait pas trop perturber le trafic puisqu'ils se mettront en route après l'heure de pointe. Les agriculteurs qui réclament toujours un prix plus juste pour leur lait. Quatre jours après le Brexit, première réunion de crise aujourd'hui à Berlin. La France, l'Allemagne et l'Italie veulent accorder leur violon avant le sommet européen des 27, demain, des 27, donc sans le Royaume-Uni. Quel projet pour l'Europe? Quelle attitude adopter face à la volonté des Britanniques de quitter l'Union européenne? Les opinions divergent entre la France et l'Allemagne. François Hollande veut aller vite, histoire que l'incertitude ne pèse pas sur l'économie européenne. Angela Merkel, elle tente et appelle au calme. En Espagne, le Premier ministre sortant à la main pour former un nouveau gouvernement. Le parti conservateur de droite, Mariano Rajoy, arrive premier, mais il est loin de décrocher une majorité absolue. Il faudra composer avec d'autres partis. Le parti socialiste est deuxième et la claque, c'est pour le parti d'extrême gauche anti-austérité, le parti Podemos, qui lui ne progresse pas. Et puis parce qu'il n'y a pas que le foot, Sébastien, parlons de tennis avec Wimbledon qui démarre ce lundi. Troisième tournoi du Grand Chelem de la saison et quatre Belges déjà en lice aujourd'hui sur le gazon londonien, commencé par David Goffin qui affronte l'Anglais Alexander Ward, 244e joueur mondial. Un adversaire qui ne devrait donc pas poser trop de problèmes aux Belges, d'autant plus que David Goffin vient de battre le numéro 1 mondial Novak Djokovic sur gazon. C'était certes un match d'exhibition, mais battre Djoko, ça met toujours du baume au cœur. Le niveau de jeu était là, c'est ça qu'il faut retenir. Même si c'était un match qui ne compte pas, ça reste quand même un match entre guillemets officiel parce qu'il y a les arbitres, il y a des ramasseurs de balles, tout y est. Donc c'est vraiment l'entraînement parfait avant de commencer un grand chelem. Ça m'avait bien réussi avant l'Australian Open, j'avais fait la même chose. Et ici, ouais, c'est une répétition en fait avant de commencer le tournoi. David Goffin avec notre envoyé spécial à Londres, Christine Anquet. Ruben Bemelmans de son côté défiera le Brésilien Bellucci aujourd'hui. Et chez les dames, Kirsten Flipken joue contre l'Américaine Nicole Gibbs et Janina Wickmeyer face à la Tchèque Pliskova. RTBF Mobile Info, c'est avec Stéphane Piedboeuf. Une paire de mazout sur le 42 Liège-Mons à hauteur de Liège Airport à Flémalle, la sortie numéro 4 est fermée, ce qui engendre de gros embarras de circulation en direction de Mons. Ralentissement également sur le 42 Liège-Mons mais entre Flémalle et Huy. Héron défile entre Loncin et Flémalle sur 3,5 km en direction de Mons. Ça c'est un chantier qui vous ralentit. Autre chantier, celui de Cherat, situé sur le 40 Aix-la-Chapelle Bruxelles. Vous êtes ralenti entre Bleuny et Herstal sur 4 km, une dizaine de minutes supplémentaires. Pour rejoindre la capitale, un accident s'est produit sur l'autoroute 40 Liège-Bruxelles à Berthem. Une bande est neutralisée, il y a des files en direction de la capitale, mais vous perdez seulement un quart d'heure. Sur le 400 qui vient de Namur, vous êtes ralenti entre Overace et Léonard, plus 20 minutes. 20 minutes supplémentaires également sur le 19 qui vient d'Anvers, entre Zemst et Macquelon. Et puis les départs en vacances entraînent des embarras de circulation sur l'A201 entre Bruxelles et Zaventem, à hauteur de l'aéroport bien sûr. Donc prenez de l'avance si vous devez prendre un avion à l'aéroport de Bruxelles. Bruxelles nouvelle nationale. Les temps de parcours sur le ring, les deux temps de parcours les plus conséquents, 35 minutes supplémentaires pour la circulation extérieure entre Ittre et le carrefour Léonard. Une demi-heure perdue également sur la circulation intérieure entre Ittre et Grand Bigard, ralentissement habituel à Bruxelles. Et puis à noter cette perte de chargement sur le réseau secondaire en province de Liège. Il s'agit de terre sur la nationale 648 qui relie Bâtisse à Aubel à hauteur de Bâtisse. Une bande de circulation est neutralisée en direction d'Aubel. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Bon lundi sur Vivacité, sur la Une en télé, le débat de C'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Et mine de rien, dernière semaine de C'est vous qui le dites. Venez commenter avec nous l'actu. Matin en direct sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société. Benjamin Maréchal vous donne la parole 0 septembre 233 466. C'est vous qui le dites. Et avant de savoir si nous reviendrons l'année prochaine, voici trois débats sur la table, un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 0 septembre 233-466, Diable Rouge, vous étiez où hier soir pour assister au triomphe 0-4 contre la Hongrie? Et tant qu'à parler foot, est-ce qu'on a là notre match référence? Nous sommes donc en quart de finale de l'Euro. Hier, tout a commencé à la 10e minute avec une tête d'Alderweireld et 1 et 2 et 3 et 4-0. 4 buts, 25 occasions. Depuis des mois, la Belgique cherchait son match référence. L'a-t-elle trouvé? Pour Eden Hazard, les choses sont plus claires. Ses trois premiers matchs de l'Euro n'avaient pas convaincu. Eh bien, hier, il était rapide, vif, étincelant et buteur. Le 0-3, c'est lui, à la 80e. Pour Lukaku, les choses sont peut-être un peu moins claires. Incapacité à plonger pour couper les trajectoires, écrit le soir ce matin. Quant à De Bruyne, il était le parfait De Bruyne hier. Quelle ambiance! Saviez-vous qu'au match contre la Suède, le but de Nainggolan a déclenché un cri tel qu'il a été enregistré comme secousse par l'observatoire Ducle? D'où la question pour vous ce matin. Diable Rouge, vous étiez où hier soir pour assister au triomphe? Et tant qu'à parler foot, est-ce qu'on a là notre match référence? Un couple de Chaudfontaine a fraudé le chômage pendant 13 ans en déclarant des domiciles séparés alors qu'ils vivaient ensemble. Est-ce que vous vous sentez abusé, comme le dit le tribunal? Myriam et Christian, tous les deux au chômage, vivaient ensemble mais déclaraient des domiciles séparés pour, je cite, « toucher un maximum ». L'enquête a démarré en 2009 quand, pour un problème de stationnement irrégulier, un policier se rend chez Myriam à Vaux-sous-Chèvremont et tombe nez à nez avec Christian. Les policiers là se disent qu'il se passe quelque chose et découvrent par la suite que Christian fait du commerce de moto, mentionne parfois le numéro de sa compagne quand il vend des véhicules. Lors de perquisitions en 2011, on retrouve chez lui 24 motos destinées à la vente. Et on découvre qu'au final, il en vendait 65 par an. Il faisait donc en plus de tout du business. Le tribunal a pointé l'atteinte que le couple porte à la collectivité et l'abus manifeste de la solidarité de leurs concitoyens dans un but de lucre. Fin de citation. 3 ans de prison avec sursis, une amende de 18 000 euros chacun et ils doivent rembourser solidairement 56 000 euros à l'ONEM. D'où la question pour vous ce matin. Un couple de Chaudfontaine a fraudé le chômage pendant 13 ans en déclarant des domiciles séparés alors qu'ils vivaient ensemble. Est-ce que vous vous sentez abusé, comme l'a dit le tribunal? Et puis au 0 70 233 466, le CDH veut des bus et trains gratuits pour les scouts dès 2017. Est-ce que c'est vrai que le prix du transport cale et coince les unités? C'est donc l'idée CDH du week-end. Partant du principe que le transport pèse lourd dans le budget camp, eh bien Benoît Lugène va tenter d'obtenir les transports en commun gratuits dès 2017, en Wallonie et à Bruxelles, où il est au pouvoir. Pour la SNCB, ce sera peut-être moins évident, d'autant que le coût de l'opération serait de 1 million d'euros pour la SNCB. Et en plus, au fédéral, il n'y a pas de CDH. Ce sera dur à obtenir, mais la gratuité est pensée pour les week-ends, jours fériés, vacances. Gratuit pour faire quoi? Parce que ce sera un fameux coup de pouce qui permettra d'augmenter les activités éducatives, dit Benoît Lugène. C'est la question pour vous ce matin. Le CDH veut des bus et trains gratuits pour les scouts en 2017. Est-ce que c'est vrai que le prix du transport cale et coince les unités? Marion Jomotte, standard ouvert. Et au standard avec The Boss, nous attendons vos appels par téléphone au 0 70 233 466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. Ce matin, trois débats, c'est vous qui le dites. En bref, la victoire des Diables Rouges hier contre la Hongrie. handicapés, un couple qui fraude le chômage depuis 13 ans et enfin les bus et trains gratuits pour les scouts. Le débat peut à présent commencer. Les deux premiers débatteurs à affronter leurs arguments ce matin s'installent en ce moment même dans le studio. Benjamin, vous arbitrez un match qu'on espère aussi enflammé que celui des Diables hier entre Charlotte Van Bever, journaliste à la dernière heure, et François Heureux, rédacteur en chef de Vive Bruxelles. François et Charlotte, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Eh bien, Diable Rouge, vous étiez où hier soir pour assister au triomphe? Vous avez été le voir quelque part, Charlotte? Vous êtes restée à la maison? Je suis restée à la maison devant ma télé. Au calme. François, vous étiez où hier? Oh, j'étais dans le petit bar tout près de chez moi avec des amis, voilà. Vous avez senti dans ce bar, parce qu'il y avait de l'ambiance autour de vous, vous avez senti de la déception dans la première mi-temps où il y avait une excitation et le public qui s'enflammait dès la dixième minute? Ah, donc il y a eu effectivement beaucoup d'ambiance le premier quart d'heure, puisqu'on sentait que ce premier but allait tomber assez rapidement. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu beaucoup de stress. Hein, ouais. Parce que c'est encore ce qui manque à cette équipe. Hein. On a vu une magnifique équipe des Diables Rouges hier soir. Mais de nouveau, elle n'est pas parvenue à nous rassurer pendant les 90 minutes. C'est vrai, hein, il y a eu une demi-heure, là, une grosse demi-heure, où on sentait qu'on pouvait mettre un goal, mais on ne parvenait pas. Et on savait que les Hongrois pouvaient aussi en mettre un sur une erreur. Ou, voilà. Donc on a encore envie d'être un peu plus rassurés. Quoi. Vous vous êtes dit quoi, alors, Charlotte, dans cette première mi-temps? Il y a le but à la dixième, et puis il y a au moins 25 occasions. Et ils ne tuent pas le match, alors qu'ils auraient pu le tuer à la 12e, à la 14e, à la 15e. Oui, je vous passe les quelques noms d'oiseaux que j'ai eus vis-à-vis de certains joueurs pendant ces 30 minutes. Les 30 dernières minutes de la première mi-temps. Sur les Hongrois ou sur les Belges? Sur les Belges, évidemment, les Belges. Parce qu'il y a des choses. Évidemment, nous, on est devant notre téléviseur, on dit, mais enfin, allez, c'est quand même facile. Évidemment, c'est pas facile, mais on est tellement dedans, on a tellement envie qu'il marque, on dit, mais c'est pas, vous êtes nuls, quoi, alors que pas du tout. Mais il faut dire que pendant 30 minutes, on a ce réflexe de vouloir zapper, de regarder autre chose que le match des Belges, tellement qu'on est sous tension. Ah, vous étiez sous tension à ce point-là. À quel moment vous avez compris, François, qu'Eden Hazard, hier, faisait le match, si pas de sa vie, pratiquement, quand on lit la presse de ce matin? Bah, oui, en tout cas, chez les Diables Rouges, c'est son meilleur match, ça c'est sûr. J'ai beau chercher dans ma mémoire, je n'en trouve pas un autre où il a joué à ce niveau-là avec les Diables. Moi, je l'ai compris après la première mi-temps, on va dire, où vraiment il était partout, il défendait, il attaquait, dès qu'il avait la balle, il accélérait, il driblait, enfin voilà, et il a confirmé en deuxième mi-temps, et puis alors c'était balle, il accélérait, il driblait, enfin voilà, et il a confirmé en deuxième mi-temps, et puis alors c'était. Le portrait d'Eden Hazard, je vous le demande, Charlotte, comment vous me décrivez cet Eden Hazard-là? Quel est le portrait que vous pouvez en faire ce matin? C'est un génie, franchement, c'est un génie. Moi, je suis fière qu'il fasse partie de notre équipe nationale, mais à côté de ça, je me dis, si on n'avait pas Eden Hazard chez nous, honnêtement, qu'est-ce que donnerait cette équipe à ce niveau-ci? Je veux dire, on est en huitième, là on passe en quart. Sans lui, il n'y a pas ça hier? Non. Clairement non, il est partout, il est 11 joueurs à la fois, ce garçon, c'est juste hallucinant. Et maintenant je comprends un petit peu mieux pourquoi il gagne autant d'argent quand il joue à Chelsea. Franchement, il justifie sa réputation. Regardez, c'est important. Donc s'il n'y a pas Eden Hazard hier, il n'y a pas ce résultat-là, parce que certes, il est impliqué dans le but de Batshuayi à la 78e, dans celui de la 79e, bien sûr. Est-ce que vous dites la même chose, François? S'il n'y a pas Hazard hier, il n'y a pas le résultat. On a De Bruyne aussi, hein, qui peut un peu jouer le même rôle, mais qui a moins cette faculté d'accélérer le jeu. Vous avez vu que Charlotte lève les yeux aussi. Oui. De Bruyne, oui, fait... Ben non, si, De Bruyne joue très très bien aussi. Le problème, c'est que De Bruyne, justement, à mon avis, est un petit peu étouffé par le rôle de Hazard. C'est pour ça qu'on ne voit pas le grand De Bruyne qu'on attend depuis le début. La rencontre depuis le début de l'Euro, même si hier il a quand même fait un très beau match. Hein, C'est vrai. On va demander un avis à Mons. Philippe est en ligne. Bonjour. Bonjour Benjamin. Il y avait paraît-il des milliers de spectateurs sur la grande place de Mons hier. Vous étiez où, vous, pour assister au triomphe? Moi, j'étais chez moi tranquillement dans mon divan, comme je me suis fait opérer mardi du ménisque, d'où je ne savais pas aller voir. Vous avez entendu les cris dans le quartier ou ils étaient trop loin, ou vous avez entendu un peu d'ambiance? Ben, il y a un petit peu d'ambiance, mais bon, c'est pas... Ben, j'habite loin quand même de Mons, j'habite à Saint-Forien, c'est quand même à 3-4 kilomètres. Si le vent souffle de notre côté, oui, peut-être bien. Ah, il y a un peu de marche. Alors parlons du foot hier soir. Vous étiez où? C'est fait, tant qu'à parler foot. Est-ce qu'on a Philippe hier, notre match référence? Oui, ça oui, le match référence, on l'a. Mais c'est vrai qu'il y a de la gloire pour Eden Hazard, il est hors norme. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Thibaut Courtois. Si Thibaut Courtois ne tient pas la baraque l'église au milieu du village, je ne sais pas si les Hongrois pourraient revenir au score à ce moment-là. Les deux hommes du match, ils sont là. C'est Hazard et Courtois pour vous? Oui, parce que Courtois, il tient la baraque. C'est lui qui tient l'équipe en, dans le jeu, quoi. Pourquoi es-tu pas le match dans cette première mi-temps? Et on l'entendait même aux commentaires avec Rodrigo Benquens et Philippe Albert qui commençaient aussi à s'énerver. Il fallait le tuer, ce match, après le 0-1. Pourquoi il le tue pas? Oui, mais il faut pas oublier qu'il y a de l'autre côté, il y a un gardien qui a 40 ans, il a l'expérience, il est là aussi pour ça. Ah, il était impressionnant, et en plus à cet âge-là, parce que dans un goal... C'est les gardiens qui tiennent l'équipe aussi dans un bout de bras. Aussi bien l'équipe des Belges que les Hongrois. Le dossier Lukaku, Philippe. Donc vous avez entendu Thierry Luther dans le 8-9 tout à l'heure dire on est un peu sévère avec lui. Dans le soir, on le voit comme étant incapable, son incapacité à plonger pour couper les trajectoires. Il était chaque fois là avec un temps de retard. Votre avis, Philippe, sur Lukaku? Ben moi, j'aime pas les critiques, mais qui viennent à leur place, qui viennent à sa place. Lukaku, il est assez jeune, il a 23 ans, et il paie sur une défense, et après, on fait rentrer Batshuayi, et la défense, elle est quand même fatiguée à ce moment-là. Et c'est pour ça que Batshuayi fait la différence. Parce que Lukaku, il a travaillé. Voyez le nombre de kilomètres qu'il fait avec avec son ossature, il fait plus d'un mètre 90, et il faut quand même, un sacré caractère pour faire ce qu'il fait, quoi. Et Batshuayi, il entre au jeu et moins de 2 minutes plus tard, on y était. Hein. Philippe, vous êtes à Mons. Merci pour le débrief d'hier. On termine rapidement autour de la table avec François et Charlotte. Vendredi, ce quart de finale à Lille contre le Pays de Galles. On est en demi ou on n'est pas en demi? François, Thierry s'est mouillé tout à l'heure, il a dit on sera en demi. Écoutez, on sera en demi. Et alors, ce qui est amusant avec cet euro aussi, c'est que si on ne va pas jusqu'à la finale... on sera déçu, inévitablement, parce qu'on a, ouais. On a joué comme jamais hier soir. On sait que les adversaires qui arrivent ne sont pas non plus des équipes imbattables. C'est pas l'Allemagne, c'est pas la France, c'est pas l'Angleterre. On a le Pays de Galles, on aura peut-être le Portugal après ou la Pologne. Mm-hmm. C'est pas non plus des équipes imbattables. Si on ne va pas en finale, on sera déçu. Et c'est ça qui est fou. C'est vous mettez une pression aussi, Charlotte? Vous mettez une pression claire? Enfin, je mets pas une pression, je suis pas sur le terrain. Mais François vient d'en mettre une. tant qu'on y est, franchement, oui, c'est vrai, on doit aller en finale parce que Pays de Galles, c'est pas facile, mais c'est tout à fait à notre portée. Et la suite, même si on tombe sur le Portugal, franchement, vu comme le Portugal joue, c'est largement à notre portée aussi. Un mot, mais ça on n'y peut rien sur le tirage au sort. Ce match se joue à Lille, c'est un cadeau et une chance pour les Belges. Franchement, ils n'ont pas besoin de ça, vu l'ambiance qu'ils ont mise hier. Ils n'ont pas besoin d'être tout près de la Belgique pour avoir des supporters de feu. Diable Rouge, vous étiez où hier soir pour assister au triomphe des Diables, et tant qu'à parler foot, est-ce qu'on a là notre match référence? Dans un instant, deuxième débat sur la table. Un couple qui a fraudé le chômage pendant 13 ans, le tribunal estime que la collectivité a été flouée. Ensuite, le CDH qui veut des bus et trains gratuits pour les scouts en 2017, nécessaire. Et 10h45, la question qui dérange. De plus en plus d'élèves de primaire font leur ramadan à leur demande dans certaines écoles. Et 10h45, la question qui dérange. De plus en plus d'élèves de primaire font leur ramadan à leur demande dans certaines écoles. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Vivacité présente le village gaulois. Au son des cigales, une farandole de produits français et wallons à déguster dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Et cette année, une formule goûteuse et pas chère de lunch gaulois tous les midis. Le village gaulois au cœur de Liège. Faisons la fête du 23 juin au 17 juillet. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Tifosi e aficionados del Belgio, ecco il nostro primo grande incontro dell'Euro 2016. Italia-Spagna, lunedì sera, in diretta su La 2, Vivacité e rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. On commente l'actualité avec vous, bien sûr, avec Charlotte Van Bever, la dernière heure, avec François Heureux, journaliste RTBF, Vivacité Bruxelles. Un couple de Chauxfontaine a donc fraudé le chômage pendant 13 ans en déclarant des domiciles séparés alors qu'ils vivaient ensemble. Et ce n'est pas tout. À l'occasion des contrôles et de l'enquête, la police découvre donc que monsieur n'était pas si au chômage que ça puisqu'il vendait des motos, 65 véhicules par an. Qu'a dit le tribunal? C'est un abus manifeste de la solidarité de leurs concitoyens dans un but de lucre. Le tribunal a été très sévère et a donc fait référence aux citoyens wallons que vous êtes peut-être atteinte portée à la collectivité. Est-ce que vous le voyez comme ça, Charlotte, aussi? Le premier élément que vous mettez en avant, c'est une atteinte à la collectivité dont vous êtes, dont François est. Oui, oui, et c'est surtout un manque d'égard et de respect vis-à-vis d'autres personnes qui sont réellement au chômage, qui se battent réellement pour trouver un emploi et qui ont du mal à joindre les deux bouts en ayant simplement leurs allocations de chômage pour vivre. C'est vraiment un manque de respect total et ouf que ces deux personnes soient sanctionnées. Sur le choix des mots par la justice, François, donc on ne dit pas c'est une fraude à l'État, vous avez volé l'État et le système. Le tribunal dit très clairement c'est des gens que vous avez volé, c'est des voisins, c'est des contribuables. Oui, mais le tribunal a tout à fait raison. Hein. Effectivement, quand de la dame ici dans l'article dit je ne volais personne, elle se trompe totalement, elle volait l'État, mais l'État c'est qui ? C'est vous, c'est moi, c'est nous qui contribuons chaque jour à l'État, et donc bien sûr que en fraudant socialement, elle a voler un petit peu chacun d'entre nous, effectivement, je pense qu'on peut le dire comme ça. Est-ce qu'on peut lui jeter la pierre ? 13 ans de fraude, donc ça veut dire que pendant 13 ans, le mécanisme de contrôle, Charlotte, ne fonctionne pas. Aussi, ça c'est vrai. Mais en même temps, oui, je comprends. Donc voilà, au bout d'un an, deux ans, il dit tiens, ça fonctionne bien, nos petites affaires fonctionnent bien, on va continuer jusqu'à ce qu'on se fasse coincer. À un moment donné, ils doivent quand même se poser la question, on va se faire coincer quand, le jour où on sera coincé, parce que de toute façon, ça arrivera, et de toute façon, des gens qui pourraient à la limite dénoncer le fait qu'ils vendent des motos, etc. Je me demande ce que ces gens pensent. Ils se disent, oh, tiens, c'est pas grave, on va simplement nous enlever nos allocations chômage pendant un an. Enfin, je me demande vraiment la réflexion dans le chef de ces personnes qui visiblement vivent au jour le jour et veulent juste profiter de l'argent pour leur loisir, parce que dire vivre décemment, c'est juste une blague, hein. C'est pas ça vivre décemment, s'acheter des montres à 450 euros et des casques de moto. Le monsieur a été imprudent ou c'était un vrai pied de nez volontaire à la société? Donc quand il vendait ses motos, il donnait parfois imprudent ou c'était un vrai pied de nez volontaire à la société? Donc quand il vendait ses motos, il donnait parfois à dire nous sommes ensemble ou le business se fait dans le domicile commun. C'est un manque de prudence ou c'est une volonté de narguer un peu le système? Non, c'est une imprudence et c'est aussi un sentiment d'impunité. Vous savez, on sait bien que la fraude en Belgique, qu'elle soit sociale ou fiscale d'ailleurs, hein, parce que la fraude fiscale, c'est encore autre chose. Hein. C'est un peu notre sport national. Ce sont pas très belges, je pense que dans d'autres pays européens, c'est la même chose. Mais oui, on a tous... à une échelle plus ou moins grande, envie de garder un peu d'argent pour nous et de mettre quelques sous à l'abri sans que l'État puisse le savoir. On le fait tous un tout petit peu. Eux, ils l'ont fait à une grande échelle. Mais la fraude, ça reste malheureusement, parce qu'on a tous le sentiment d'être trop taxé, d'être trop ponctionné, etc. Ça reste un peu un sport national. Ah, le tribunal de Liège a envoyé un mot vers la société dont vous êtes. Demandons un avis à Namur. Anne est en ligne, bonjour. Bonjour. Donc ce couple de Chauffontaine a fraudé le chômage pendant 13 ans en déclarant des domiciles séparés alors qu'ils vivaient ensemble. Est-ce que vous vous sentez abusé, vous ? Alors moi, je me sens pas abusée, c'est assez bizarre, mais je me sens un peu choquée qu'on s'en aperçoive seulement maintenant, parce que ça fait quand même des années et des années et des années que ça dure, c'est pas nouveau. On sait bien que les personnes qui sont au chômage pour gagner un maximum ne vivent pas ensemble sous le même toit, et en plus travaillent en noir, donc ce qui veut dire qu'ils se font de bons gros salaires. Et d'autant plus vous, que... Vous connaissez des gens qui fonctionnent comme ça, ou ici... Ah, vous en connaissez sûr. Il y en a plein, aller dans les appartements sociaux, ils fonctionnent, ce sont des gens qui fonctionnent comme ça, ils n'ont rien à eux. Donc on ne sait rien leur prendre. Anne, vous en connaissez ou vous pensez qu'il y en a dans les immeubles ? Il y en a qui sont au chômage depuis 32 ans, qui travaillent en noir, qui vivent mieux que ceux qui travaillent. Ils n'ont aucun respect, ce sont des gens qui se servent de la société, qui savent comment il faut faire. Et pourquoi vous ne vous sentez pas volé ? Parce que le tribunal, il dit, non pas monsieur, madame, vous volez la société, le tribunal, il dit, vous avez abusé de la solidarité des concitoyens. Pourquoi vous ne vous sentez pas lésé, floué, abusé ? Bien sûr que je me sens lésé, floué, je suis choquée, je peux vous sortir plein d'adjectifs. Hein, bien et c'est un couple qui voulait survivre. On ne peut pas le voir comme ça, un couple qui voulait survivre. Survivre en vendant des motos, non, ça c'est pas survivre, ça c'est s'offrir du luxe, savoir trouver comment la société fonctionne tout simplement. Vendre 65 motos par an, c'est un petit business ou c'est anecdotique ? C'est un business qui s'est fait tout à fait naturellement pour lui, puisqu'il fait ça depuis 13 ans, pour lui c'est normal. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'il est condamné, c'est bien, l'argent il n'y en a plus parce que ce sont des gens qui dépensent au fur et à mesure, donc ils vont être rayés du chômage, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? 3 ans de prison avec sursis, c'est bien 3 ans de prison avec sursis ? Non. Ah, ça vous semble pas suffisant. Ils doivent connaître. Voler la société comme ils l'ont fait, c'est voler les petites gens comme nous aussi. Dont vous êtes à Namur. Alors je fais tour de table là-dessus, Anne, pour voir si la sanction est à la hauteur des événements. Et on verra si on peut aller plus loin tout à l'heure. 3 ans de prison avec sursis, amende de 18 000 euros chacun. Et ils doivent rembourser solidairement 56 000 euros à l'ONEM. C'est juste ça, Charlotte ? Oui, c'est juste. En tout cas, je ne dirais pas que c'est trop peu. Maintenant, je me demande comment ils vont se débrouiller pour rembourser cet argent. C'est un peu la question que je me pose, puisque comme disait cette dame, justement, c'est le type de personne qui dilapide son argent dès qu'il a un euro, ben, c'était 7 euros part en dépense. Donc, j'aimerais bien savoir comment ces personnes vont rembourser. 56 000 plus 36 000. Donc, sur la prison, c'est de la prison avec sursis. C'est pas de la prison ferme dans une cellule, François. Dommage. Encore heureux. Hein. Moi, je trouve que même la peine de prison, c'est peut-être un peu exagéré. Je trouve ça normal qu'on les punisse, qu'on leur donne un signal et qu'on leur demande de rembourser. Moi, ça me semble tout à fait normal. Maintenant, les mettre derrière les barreaux, non, ça, je pense que c'est totalement exagéré. Charlotte, la prison dans une cellule ? Non, c'est exagéré. Les prisons sont beaucoup sont remplies de vrais malfrats. On va pas mettre des fraudeurs, certes, c'est un fait grave, mais de là, aller en prison quand même. Un couple de Chauffontaine a fraudé le chômage pendant 13 ans, déclarant des domiciles séparés alors qu'ils vivaient ensemble. Est-ce que vous vous sentez abusé, comme l'a dit le tribunal. Dans un instant, troisième débat, le CDH qui veut des bus et trains gratuits pour les scouts en 2017. Est-ce que c'est vrai que le prix du transport cale et coince les unités ? Ensuite, 10h45, la question qui dérange. De plus en plus d'élèves de primaire font le ramadan à leur demande. Dans certaines écoles, la moitié des 5e et 6e jeunes. Est-ce que c'est dangereux de faire ça en plein examen ? Je rappelle que le ramadan a démarré le 6 juin et se termine le 6 juillet. C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. En juillet, le magazine Gaël met à l'honneur Ophélie Fontana, journaliste notamment du 15 minutes sur la 2. Comme elle, pour de vraies vacances, balancez votre smartphone. Découvrez aussi dans Gaël, cette grande fan du direct et du macaron mojito. Gaël, vous avez tout pour vous. Bonjour, c'est Marwan Fellaini. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable. Avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Vivacité et La 3 présente l'exposition En plein air à la Beauvry à Liège. Retrouvez les œuvres de Picasso, Léger, Monet, Cézanne, Matisse dans une magnifique expo créée en collaboration avec le Louvre. Infos et réservations, labeauvry.com. La Beauvry, bien plus qu'un musée. Une initiative de la ville de Liège. Un bon plan ? C'est ne pas devoir choisir entre un nouveau smartphone et faire du shopping. Un nouveau smartphone ? Ah oui, ça sonne bien, ça. Et une nouvelle robe ? Ça sonne bien aussi. Sinon, m'offrir les deux, je peux ? C'est possible. Jusqu'au 15 août, le Huawei P8 Lite est à seulement 29 euros avec Dauphin 25 smartphone dans votre shop Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. L'été, Luc est sauveteur à la mer. Ouais, à Knock le Zout. Il n'a pas une minute à lui. Et les deux filles là-bas. Très joli maillot, hein. Vous êtes charmantes. Et Luc oublie de jouer au loto. Cet été, ne manquez aucune chance de devenir millionnaire. Jouez pour 8 tirages dans un point de vente participant et recevez 2 tirages supplémentaires gratuits. Action valable jusqu'au 30 juillet. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Au moment de l'actualité avec vous, en fonction de vos appels, un débat s'impose. Charlotte Van Bever, la dernière heure, les sports. Et François Heureux, journaliste Vivacité RTBF. Le CDH, l'idée du week-end, mais ce n'est pas encore fait. Le CDH veut des bus et trains gratuits pour les scouts en 2017. Benoît Lugène va donc militer au niveau de la région wallonne et de la région bruxelloise, car là, son parti est au pouvoir. Par contre, pour ce qui est du fédéral et donc de la SNCB, ça s'annonce un peu plus compliqué. Cette mesure aura un coût. Ça devrait coûter 250 000 euros par an au tech. 200 000 euros par an à la STIB. Et pour la SNCB, on parle d'un coût d'1 million d'euros. Avant de voir ce que le transport gratuit permettra aux scouts, est-ce que vous êtes prêt à accepter ces montants-là? Ça va donc coûter à la collectivité, hein, Charlotte? Franchement, globalement, c'est parce que non. Sachant le nombre de fausses raisons dont a besoin la SNCB pour faire grève, etc., on va encore leur tirer 1 million d'euros pour que les scouts puissent voyager gratuitement. Je trouve ça un petit peu léger comme raison d'ôter 1 million d'euros à la SNCB. François, est-ce que les scouts ont vraiment besoin de bus gratuits, de trains gratuits? Je ne pense pas qu'ils en ont besoin, mais moi je pense que c'est une bonne idée. Ça encourage des initiatives qui permettent à des jeunes de faire autre chose, apprendre à vivre ensemble. Moi j'ai fait les mouvements de jeunesse, ça m'a appris énormément de choses. C'est une très très belle période de ma vie. Maintenant, il faut être juste. C'est vrai que si on offre au mouvement de jeunesse catholique, il faut aussi offrir à toutes les autres initiatives qui permettent à des jeunes de faire des activités ensemble. Mais je trouve fondamentalement, c'est une excellente idée. Ça leur permettra de passer, imaginons, un week-end à la mer, d'aller dans les Ardennes, de faire des activités comme, de la spéléologie, voilà, des choses comme ça. C'est une bonne idée. Est-ce que l'argumentaire est bon? Donc Benoît Lugène dit, Charlotte, ce serait un fameux coup de pouce qui permettra d'augmenter les activités éducatives, celles qui ont du sens. Mais je ne suis pas d'accord avec la démarche de dire que parce qu'on est dans un mouvement de jeunesse, on a droit à la gratuité de transport pour aller dans les Ardennes ou à la mer du Nord. Pourquoi? Parce qu'on est dans un mouvement de jeunesse. Il y a plein d'enfants qui sont avec leurs parents ou entre copains-copines ou qui font des activités sportives, etc., qui aussi peut-être aimeraient bénéficier, peut-être pas de transport gratuit, mais d'autres sortes de gratuité. Donc je ne vois pas pourquoi cibler sur les mouvements de jeunesse. Pourquoi? Parce qu'un mouvement de jeunesse, honnêtement, ne coûte pas extrêmement cher la cotisation. Je ne pense pas. En tout cas, j'ai vérifié, c'est pas très cher. Donc pourquoi aller dans ce sens-là du mouvement de jeunesse spécifiquement? Ça, je comprends pas. Est-ce qu'on peut mettre ça en opposition, François? Le besoin de gratuité dans les transports pour les familles et le besoin de gratuité dans les transports pour les scouts? Pour le dire autrement, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux donner des gratuités aux familles qu'aux scouts? Les familles, elles les ont déjà d'une certaine manière. Hein. Les familles nombreuses, elles ont de grosses réductions sur les transports en commun. Donc ça existe déjà, ça. Il faut le rappeler aussi. Non, moi je pense que franchement, ce qui peut encourager des initiatives type mouvement de jeunesse où les jeunes peuvent apprendre des choses sur le vivre ensemble, peuvent se mêler aux autres, etc., pour moi, c'est bon à prendre et moi, je dis bravo. Voyons si les scouts sont calés et coincés à Warem. Thierry, bonjour. Oui, bonjour. Et vous faites donc partie de l'unité HB002 de Warem. Le CDH veut des bus et trains gratuits pour les scouts dès 2017. Est-ce que c'est vrai que le prix du transport cale et coince votre unité de temps en temps? Je ne dis pas que c'était vraiment un frein réel. Maintenant, je pense que si on avait de temps en temps l'occasion d'avoir le transport en commun gratuit pour certaines activités, ça pourrait parfois aider certaines unités plus dans le besoin que d'autres. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des unités qui ont moins d'argent, moins de financement que d'autres. C'est clair que, je pense qu'une unité de Jodong, par exemple, de Jodong dans ce coin-là, a peut-être plus d'argent en caisse qu'une unité plus défavorisée à Charleroi, par exemple. Et la vôtre, la HB002, elle aurait besoin d'une gratuité ou vous dites honnêtement non merci? Besoin réellement, je ne pense pas. En tout cas, pour Warem, je ne pense pas parce qu'on a quand même un principe de solidarité entre nous qui permet d'offrir parfois des activités gratuitement, entièrement pris en charge par d'autres. Thierry, la dernière fois que votre unité a pris le train, c'était quand et pour aller où? C'est pas compliqué. Samedi dernier, donc ici, pour aller à la mer avec la baladin. Vous avez une idée du montant que ça a coûté? Chaque enfant a payé 10 euros. Pour aller à la mer, il y avait une partie prise en charge par l'unité parce qu'on vend des gaufres chaque année. Et donc par rapport à ça, je pense qu'il y a un principe de solidarité entre nous qui marche extrêmement bien. Le train chez vous, il est rare? C'était le train de l'année ou vous le prenez souvent avec les baladins? On le prend pas souvent et c'est vrai que ces mesures-là pourraient peut-être bien pousser les jeunes à prendre plus le train ou le bus pour aller au camp, par exemple. Ça me paraît fort intéressant. Je pense que s'il y avait une gratuité, par exemple, 2-3 fois par an, ça serait quand même un signal fort pour aider les jeunes qui, je rappelle, sont occupés le samedi et au camp et ne sont pas dans la rue en train de traîner à faire des conneries, quoi. Vous noterez que la gratuité pour les scouts, c'est bien pendant les moments d'unité et d'activité. Hein. Ce n'est pas le fait d'être scout qui donne droit tout le temps à du transport gratuit. Thierry, on commente rapidement et on débriefe autour de la table. Charlotte, l'honnêteté de Thierry, qu'il y a des unités qui n'ont pas besoin de ça. Bah, il est très très honnête, il a raison de le dire. Il loupe une opportunité. Il loupe peut-être une opportunité, mais c'est preuve que peut-être M. Lütjen a sorti ça de son chapeau sans vraiment analyser où en sont les choses aujourd'hui et que un camp scout n'est pas un autre. Donc si ça devient gratuit, les scouts iront plus à la mer, François, c'est ça que ça veut dire. Oui, sans doute, mais attention, il dit donc qu'il y a des unités qui n'en ont pas besoin. Ça veut dire aussi qu'il y a des unités qui en ont besoin. Oui. Et souvent, la richesse entre guillemets de l'unité, c'est son profil socio-économique, c'est les parents qui sont derrière. Il y a des unités qui sont dans des beaux coins avec des gens qui sont aisés. N'oublions pas ceux qui éduquent, et c'est peut-être là où on en a plus besoin, des enfants qui sont plus défavorisés. Eux, ce sera vraiment un bon coup de pouce. Et je le redis encore une fois, je pense que c'est une bonne idée. Vous me dites oui ou non, et puis on en reste là. Est-ce qu'aller à la mer, c'est une activité éducative, oui ou non, François? Oui, bien sûr. Oui, Charlotte? Oui, oui. Charlotte Van Bever, François Heureux. Bonne journée, messieurs, dames. Bonne journée. Bonne journée. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. Diable Rouge, vous étiez où hier soir pour assister au triomphe 0-4 contre la Hongrie? Et tant qu'à parler foot, est-ce qu'on a là notre match référence? Un couple de Chaux-Fontaine a fraudé le chômage pendant 13 ans en déclarant des domiciles séparés alors qu'ils vivaient ensemble. Est-ce que vous vous sentez abusé, comme l'a dit le tribunal? Et puis le CDH veut des bus et trains gratuits pour les scouts en 2017. Est-ce que c'est vrai que le prix du transport cale et coince les unités? 070-233-466 par SMS au 3063 et vos appels déterminent la conversation de la deuxième partie. Soigny est en ligne. Xavier, bonjour. Bonjour. Hier, le 0-4, vous étiez où pour le triomphe? C'est assez particulier. J'ai vu le premier goal à Namur. J'ai entendu les deux suivants dans mon véhicule entre Namur et Mons. Et j'ai vu le but de Carrasco à Mons. Voilà. Vous avez fait le tour de la Belgique. Vous l'avez vu en solo ou vous étiez dans des endroits avec du monde? On va dire que le premier, j'étais avec des collègues organisateurs à Namur, au Grognon. Les deux suivants, dans ma voiture, tout seul, comme un pauvre malheureux. Et le dernier, j'étais avec des collègues qui étaient sur Mons. Donc voilà. Vous me permettez l'indiscrétion, pourquoi vous avez fait un tour de Belgique hier? C'est lié à une activité professionnelle? Oui, tout à fait, mais je suis placeur d'écran, donc c'est pour ça que je fais le switch entre les différents lieux où on est présent. Ceci explique cela. Est-ce que vous avez compris, puisque le 2 et le 3, vous ne les voyez pas, celui de Batshuayi, celui d'Aza, vous ne les voyez pas, est-ce que vous avez compris ce qui se passait à ce moment-là? Bah oui, tout à fait, franchement. Enfin, moi, dans ma voiture, j'étais tout seul en train de me secouer. En fait, c'est un peu dangereux, j'avoue, mais ouais, moi tout seul, j'étais déjà dans une ferveur incroyable. Donc j'imagine bien que partout ailleurs, ça a été la folie. Et donc déjà pour le 1-0 Namur, c'était dingue. 2 et 3, c'était dingue. Et quand je suis arrivé à Mons, on annonce entre 12 et 15 000 personnes à Mons, je pense. Voilà, c'était vraiment la folie, des farandoles, etc. Donc oui, la ferveur était là, quoi. Quelle était la place la plus endiablée? C'était à Namur, la plus grosse foule, la plus grosse ambiance, ou c'était à Mons, puisque vous avez un comparatif hier soir? Ah bah écoutez, en termes de quantité, il y avait plus de monde à Mons. Par contre, à Namur, ils ont un chauffeur de salle qu'on a vu sur les antennes de l'RTBF pendant le reportage pré-match. Donc il y a un chauffeur de salle qui est vraiment exceptionnel. Donc franchement, l'ambiance d'avant-match à Namur était exceptionnelle. Et par contre, l'après-match à Mons, ça a été magnifique parce que je vous dis, farandole de tous les côtés. Donc voilà, les Belges étaient au rendez-vous. Deux secondes d'analyse sport maintenant, parce qu'on parle foot. Oui. Est-ce qu'on a là notre match référence? Ou c'est pas encore celui-là? Pour moi, c'est un match référence parce que la manière dont les Belges jouent, donc savoir fatiguer l'adversaire, jouer des passes, jouer à la baballe comme certains aiment dire, etc. Ben, je pense qu'on a continué notre jeu, donc ça veut dire que dans notre style de jeu, le match référence est là. Et surtout aujourd'hui, c'est qu'on a eu de la concrétisation. Donc ça veut dire qu'on a vu un Eden qui était extraordinaire. On a vu un Kevin qui jouait avec Eden, chose qu'on avait des fois du mal à voir. Donc c'est fini l'époque des Diables qui ne jouent qu'en contre-attaque. On a enfin les Diables qui attaquent. Alors on va pas non plus faire Madame Irma, j'espère que oui, maintenant, voilà, il y a eu du jeu, il y a eu du beau jeu. C'est clair que l'équipe en face n'est pas non plus la plus difficile, mais je pense que sincèrement, on a eu une équipe belge qui a montré qu'elle savait jouer au football, une équipe belge qui avait du beau jeu, qui avait de la technique, qui avait de l'intelligence de jeu. On a vu tous les joueurs qui étaient impliqués, et je pense que oui, au jour d'aujourd'hui, je pense que la Belgique tient son match référence depuis ce budget de dernière semaine. Alors on l'a, et c'était hier, même question si vous voulez entrer dans la conversation sur Eden Hazard, est-ce qu'on a son match référence hier, même question pour De Bruyne, même question pour Lukaku, et puis pour Courtois aussi, vous êtes nombreux à citer comme homme du match hier. RTBF Mobile Info, sur les routes, Stéphane. Et attention, une manifestation d'agriculteurs au Grand-Duché du Luxembourg. Il risque d'y avoir des files à hauteur de Sterpenich sur l'E411 en venant d'Arlon vers le Grand-Duché. Mais pour l'instant, il n'y a pas l'ombre d'une zone rouge. Pour rejoindre Bruxelles, c'est ralenti sur l'E411 qui vient de Namur entre Overijse et Léonard, une vingtaine de minutes supplémentaires. C'est ralenti également sur l'E19 qui vient d'Anvers entre Petit et Maquelonne, ajouté 10 minutes. À l'image de l'E40 qui vient de Gand, une dizaine de minutes pour rejoindre Grand Bigard. Les départs en vacances sur l'A201 Bruxelles-Zaventem à hauteur de l'aéroport. Il y a des files. Prenez de l'avance si vous devez prendre l'avion ce matin. Et puis sur le ring, c'est toujours compliqué en circulation extérieure entre Autitre et le Carrefour Léonard. 50 minutes supplémentaires tout de même. 35 minutes en circulation intérieure entre Ytre et Grand Bigard. Les ralentissements habituels à Bruxelles. Et puis un accident nous a été signalé sur la Nationale 4 Namur-Bruxelles à hauteur de Hernage. Le passage est toujours difficile en direction de la capitale. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, nous irons à Petit Rochin. Faut-il donner des bus et des trains gratuits aux scouts? Jean-Marie tranchera. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec vivacité. Les émissions, les journaux, les dernières infos de votre région, le cactus, les enfants de cœur, les invités, le 8-9, le meilleur de vivacité, à volonté, en son et en images, et sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Tout l'été, pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné Télé Revue et 365.be. Claire était bizarre. Elle ne pouvait plus tenir sa tasse. Des difficultés à parler, sa bouche était déformée. Elle ne pouvait plus bouger son bras ni sa jambe. Lors de mon AVC, chaque minute a compté. Si un de ces signes apparaît, agissez. Appelez sans délai votre médecin traitant ou le 112. Découvrez d'autres témoignages sur délaiavc.eu avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Elle est pas belle la vie? Chez Bricoplanit, c'est samedi 25 et lundi 27 juin, moins 20% sur un article au choix. Plus d'infos sur planit.be. Bricoplanit, tout pour la maison. Trois, quatre, six, six sur la table, Mario. Un couple de Chauffontaine a fraudé le chômage pendant 13 ans, déclarant des domiciles séparés alors qu'ils vivaient ensemble. Est-ce que vous vous sentez abusé, comme le dit le tribunal à ce propos? Et à ce propos, Christine de Monceau-sur-Sambre ne se sent pas abusée, car les fraudeurs ont été jugés et surtout punis. Alors ce couple de fraudeurs a volé l'État, il a volé tous les travailleurs qui cotisent pour la sécurité sociale, et donc en quelque sorte, eh bien, ce couple a aussi volé Christine, qui elle paye ses impôts. Et donc pour cette raison, Christine, eh bien, elle trouve que la sentence n'est pas du tout exagérée. Elle souhaite que ce couple de chômeurs justement servent d'exemple pour tous les autres fraudeurs belges, qu'ils soient au courant et que bien oui, on peut être puni quand on fraude de cette manière. Alors la sentence pourrait même être encore plus dure selon Christine. Par exemple, elle donne une exclusion à vie du chômage, et bien c'est le minimum qu'elle aurait espéré pour ce couple. Petit Rochin en ligne, Jean-Marie, bonjour. Bonjour Benjamin. Et vous souhaitez aller plus loin sur le CDH qui veut des bus et trains gratuits pour les scouts en 2017. Vous qui êtes ancien scout, est-ce que c'est vrai que les unités sont parfois calées et coincées face au prix du transport? Mon intervention, ce n'est, je vais, si vous permettez, pas répondre à cette question-là. Je voulais mettre en exergue qu'on parle ici des scouts uniquement. Moi, je voudrais qu'on parlerait aussi de tous les mouvements de jeunesse, tels que Patron et autres, qui quelquefois ont moins de moyens encore que les scouts. Attendez, je peux vous adapter la question. Est-ce que c'est vrai que dans les Patrons, on se prive parfois de trajets parce que le train et le bus est trop cher pour les enfants? Bien sûr, il y a certains patrons, notamment qui sont à l'intérieur de certaines villes, avec un monde où l'argent n'est pas florissant et où on ne sait pas toujours faire les activités qu'on voudrait bien, parce que lorsque vous avez une 70 ou 80 enfants qui doivent se rendre même à la mer, il y a des gens qui sont démunis, qui ne savent pas Voilà. Mais donc c'est juste pour aller à la mer, le seul enjeu, non. C'est ça, parce que Benoît Lugier dit c'est pour des activités éducatives qui ont du sens. Et c'est la troisième fois qu'on parle de la mer. J'ai entendu dans votre conversation qu'on parlait de la mer, mais il y a d'autres, ça peut être pour aller visiter un musée, ça peut être aller visiter autre chose, ou un parc, un jardin zoologique, parler de l'animal, du respect de l'animal, etc. Donc moi, ce que je voudrais bien, c'est qu'on puisse, que le CDH, bon, vous parlez d'une couleur politique, moi je dis qu'on ne fasse pas seulement du côté, d'un seul côté, mais qu'on regroupe tous les mouvements de jeunesse et que n'importe lequel soit aidé. Jean-Marie, est-ce que vous êtes prêt à accepter que ça coûte 250 000 euros par an au TEC, 200 000 euros par an à la STIB et 1 million à la SNCB ? Est-ce que vous êtes prêt à supporter cette charge financière-là, puisqu'elle est sur les épaules de la collectivité ? Mais est-ce qu'on va me demander mon avis ? Est-ce qu'on demande à l'avis aux gens de supporter telle chose qu'on met, que ce soit 3, 4 gendarmes, 3, 4 militaires... Ah ben c'était votre question, c'est ma réponse. Moi, je vous demande un avis, puisque c'est ça l'enjeu du débat ce matin, savoir si cette mesure doit s'imposer au gouvernement ou pas. Le CDH le fait en Wallonie et à Bruxelles, parce que là, il est au gouvernement. Au fédéral, ça va être plus complexe. On verra si on va plus loin tout à l'heure. Petit Rochin, Liège maintenant. Liliane, bonjour. Bonjour. Et donc le tribunal de Liège vient de condamner un couple de Chaudfontaine qui a fraudé le chômage pendant 13 ans en déclarant des domiciles séparés alors qu'ils vivaient ensemble. Et en plus, monsieur faisait du business de moto. Est-ce que vous vous sentez abusé ? Oui, mais ce que je voudrais surtout vous dire, c'est que je m'étonne qu'on s'étonne de cette situation-là, parce que comme je le disais à votre collègue, moi je vis au milieu de gens qui ne vivent que comme ça. Vous en connaissez ou on vous dit que ? Non, je les connais. En plus, j'ai travaillé dans une caisse d'allocation familiale où bizarrement, des dames ont des enfants reconnus par un monsieur. Elles ont plusieurs enfants reconnus par le même monsieur avec qui elles n'ont jamais habité. Alors Liliane, puisque vous connaissez le processus, dites-moi pourquoi le tribunal ne dit pas à ce couple « vous avez volé l'État ». Pourquoi dans son jugement, il dit « abus manifeste de la solidarité des concitoyens ». Pourquoi il attire l'attention sur le vol des gens comme vous ? Mais parce que ce que je pense, c'est que les contrôles, parce qu'il y a des personnes qui disent tiens, comment est-ce qu'on s'en rend compte si tard, etc. Il faut quand même bien avouer une chose, c'est que les contrôles domiciliaires qu'on fait chez les gens, ils sont toujours prévenus à l'avance. Hein. Donc, la police arrive en 2009. Pardon ? Ici pas, la police arrive en 2009. Oui, ici pas, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y en a autant qui fraudent, c'est parce qu'on n'a pas de moyens de les contrôler. Parce qu'à partir du moment où vous prévenez les gens d'un contrôle, ils ont tout le temps s'organiser pour que monsieur ne soit pas là. Vous pensez qu'ils ont compris qu'ils volaient la société ? C'est de là où ils ne l'ont pas compris ? Bah, si qu'ils l'ont compris, il faut... Attendez... Dès le début ? Pardon ? Ils l'ont compris dès le début ou ils l'ont compris qu'au tribunal ? Ben non, ils l'ont compris dès le début. Vous ne pensez quand même pas que tous ces fraudeurs-là ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Vendre 65 motos par an. Les gens, ils ne le feraient pas. Vendre 65 motos par an, on peut dire que c'est pour se débrouiller, pour survivre ? Non. Vous me dites non, alors c'est un non que j'enregistre. Le tribunal a dit à ce couple, vous avez volé la société. Solidarité des concitoyens bafoués dans un but de lucre. Voilà ce qu'a dit le tribunal. Si vous souhaitez aller plus loin, appelez sur ce débat-là. Dans un instant, nous allons à Tournai et Gilles nous dira comment il a regardé, où il a regardé le triomphe des diables hier. Essuie de sport ou essuie de bain. Lâchez-vous, Neckermann. Vous êtes en vacances. Votre séjour aux îles grecques a pris spectaculaire. Émouillé, je viens de Leuzan et nous entre Tournai et Hâte, donc c'était la grande ville hein, pour moi, Bruxelles. J'ai commencé à habiter du côté du Parvis de Saint-Gilles, mais c'est surtout une soirée au Corbeau, endiablée avec des amis qui m'a fait découvrir Bruxelles, accessoirement ma femme aussi, donc c'était quand même une bonne petite soirée. Quoi. Vivacité, Bruxelles nous rend complices. Et au 070-233-466 sur la table, Marion, le CDH veut des bus être ingratuits pour les scouts en 2017. Est-ce que c'est vrai que le prix du transport cale et coince les unités ? À ce propos. Eh bien, à ce propos, pour Helmut de Chimène, non, les scouts n'ont pas besoin de transport gratuit. Il explique que les scouts, c'est simplement une activité, un divertissement, ce n'est pas une nécessité. Helmut, lui, il explique qu'il a 73 ans, qu'il est retraité, et eh bien que lui, il n'a plus le droit au transport en commun gratuit. Il doit à présent payer 36 euros par an, ce qu'il estime être beaucoup trop. Alors, si les retraités n'ont pas droit à avoir les bus gratuits, eh bien pourquoi les scouts, eux, pourraient? C'est la question qu'il pose ce matin. C'est vous qui lisez ta tournée, Gilles, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Diable Rouge, vous avez démarré la soirée à la maison et puis vous étiez où pour voir le triomphe? Ben, c'est-à-dire que vu l'évolution du match et vu l'engouement, l'ambiance qu'il y avait, je suis parti sur la grande place de tournée. Vous êtes parti à quel moment du match? Après le premier but, après le deuxième? Non, à la fin du match. À la fin du match, parce que j'avais peur de partir parce que je me doutais bien que vu l'engouement, vu le déroulement, je me suis dit ils vont marquer des goals. Moi, j'avais pronostiqué 3-1. Mais quand Batshuayi est rentré, j'ai dit il va marquer. Et vous vous rendez compte, 72 secondes après, il marque. C'est génial, quoi. Et alors le match que Eden Hazard fait, c'est majestueux, somptueux. C'est un joueur de grande classe. Je reviens au débrief dans une seconde, Gilles. Le premier match. Gilles, je reviens au débrief dans une seconde. Juste un mot sur la grande place de Tournai hier soir. Du monde, pas du monde, ça ressemblait à quoi? Il y a des Français, que des Belges? Il y avait de tout, il y avait des gens de toute nationalité. Bon, maintenant, l'ambiance, c'est unique, c'est euphorique. Il faudrait voir ça tout le temps. Les gens se congratulent. Il n'y a personne qui se bat. Il y a tout le monde se prend dans les bras. Tout le monde klaxonne. Vous avez fait des accolades à des inconnus? Mais bien sûr, ça ne fait que ça, les voitures passent, on laisse passer les voitures, il n'y a personne qui s'engueule, au contraire, c'est la fête, je crois que c'est la fête, au fait, il n'y a plus personne qui pense au mal, c'est que du bien. Donnez-moi votre commentaire, alors, sur les 4 buts, on en fait un par un, votre commentaire, Gilles, sur le 10e minute, la tête de Toby Alderweireld, votre commentaire sur ce but. Ah ben le commentaire, il vient du pied de Kevin De Bruyne, qui est pour moi un joueur sensationnel aussi. De toute façon, ils ont tous bien joué. Ce sont tous des joueurs qui ont une classe professionnelle incomparable. Mais le but là, vous ne rendez pas compte, Kevin qui met un caviar sur la tête d'Alderweireld. Moi, je dis que je suis content pour ce garçon parce que, je vous dis, ils ont tous mérité la victoire. Mais quand on voit l'évolution du premier match par rapport à celui-ci, quand on voit que... Ils ont évolué. Ah mais bien sûr, quand on voit les commentaires de Monsieur Poels, maintenant je crois que Marc Wilmot, qui pour moi est un grand monsieur, Marc Wilmot est en train de boucher un fameux coin à Stéphane Poels. Je crois que la stratégie de Marc Wilmot, elle est vraiment préparée, c'est quelqu'un de très intelligent. Est-ce que c'est un match de rêve? Elle est vraiment préparée, c'est quelqu'un de très intelligent. Est-ce que c'est un match de rêve? S'ils continuent à jouer comme ça, ils vont battre le Pays de Galles. Et moi je vois franchement la Belgique en finale. Et je serais heureux pour la Belgique. Ah si c'est contre la France, vous savez que ce sera un événement exceptionnel, un voisin contre voisin. Gilles, merci pour l'analyse. Nous allons à Jean Blou maintenant. Fabienne, bonjour. Bonjour Benjamin. Et donc depuis 13 ans, un couple de Chauxfontaine frondait le chômage en disant nous vivons séparément alors qu'en fait ils vivaient ensemble, tout ça pour toucher un maximum. Est-ce que vous vous sentez abusé? Est-ce qu'on vous a trahi, Fabienne? Bien entendu, ça fait des années que ça dure. Mais vous vous sentez touché personnellement? Parce que c'est ça que le tribunal avait l'air de dire. Ben, écoutez, à partir du moment où ça fait des années que ça dure et il n'y a aucun contrôle dans ce système, moi, toute ma vie, j'ai été indépendante. Donc maintenant, je me retrouve sans travail et j'ai cotisé pour tout ça. Donc, je connais des situations depuis des années où le fils est domicilié chez maman et la fille avec laquelle il vit... vit dans une maison de cité avec 3 enfants. Mais est-ce que vous leur en voulez? Vous leur en voulez ou vous êtes de celles qui me disent chacun essaye de se débrouiller à travers les mailles du filet? Oui, bien sûr, on essaie de se débrouiller. Donc vous leur en voulez pas? La société. Vous leur en voulez pas? Mais si, bien sûr, je leur en veux. Cherchons du travail. Ce couple, vous pensez qu'il avait conscience, qu'il flouait la société ou quand on est dans ce mécanisme-là, on ne pense pas aux autres, à vous, à moi, à lui, à elle? Non, je pense qu'ils avaient tout à fait conscience de ce qu'ils faisaient. Pleine conscience donc, et le chien a l'air d'accord derrière, Fabienne. Bernie Sarr maintenant est en ligne. Noël, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous qui êtes cheminot, vous souhaitez aller plus loin sur le CDH qui veut des bus et trains gratuits pour les scouts en 2007. Parenthèse, est-ce que le cheminot que vous êtes dit que c'est une bonne idée? Non, c'est une aberration. Attendez, c'est pour donner un coup de pouce aux activités éducatives? Oui, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous avez déjà vu une voiture de la SNCB, l'état dont elle est lorsque les scouts et autres ont passé dedans? Ce sont pires que des bétaillères. Ça ressemble à quoi, alors? Un wagon après scout, ça ressemble à quoi? Une porcherie. Il laisse quoi, des papiers? Des chips par terre, de la boue sur les sièges, il y en a même jusqu'au plafond parfois. On est obligé de faire deux nettoyages pour dire de récupérer le matériel en état convenable. Mais vous avez déjà vu des unités saloper le wagon à ce point-là ou c'est l'ami d'un ami d'un ami qui vous raconte? Non, je suis visiteur de matériel à la SNCB et je peux vous dire que l'état est carrément déplorable, sans compter les dégâts au matériel qu'on doit réparer. Oui, mais le prix du transport cale et coince les unités, il y en a qui peuvent jamais aller à la mer. Oui, mais je suis d'accord qu'on pourrait peut-être faire... De toute façon, il y a des billets de groupe où ils ont une réduction, mais bon, on ne peut pas quand même donner une gratuité alors qu'il y a plusieurs personnes qui doivent se mettre au travail pour dire de nettoyer toutes les saletés qui sont faites par les jeunes et les scouts et tout ça, quoi. Mais ce serait pas, au-delà de la saleté, c'est pas plus important de redonner un peu d'égalité aux enfants, ceux qui ont les moyens, pas les moyens, les unités qui ont les moyens, pas les moyens? C'est pas un bon moyen de redonner de l'égalité à tous, ça, le bus et train gratuit? Je ne pense pas. Si ce serait des gens convenables, entre guillemets, je serais peut-être d'accord, mais vu l'état où est-ce que c'est... Tellement c'est déplorable, je dis non. Ah ben on verra alors si la conversation s'impose, si tous les scouts laissent les trains dans un état type porcherie, avez-vous dit. On se retrouve après les infos. En juillet, le magazine Gaël met à l'honneur Ophélie Fontana, journaliste notamment du 15 minutes sur la 2. Comme elle, pour de vraies vacances, balancez votre smartphone. Découvrez aussi dans Gaël cette grande fan du direct et du macaron Morito. Vous avez tout pour vous. Cette semaine, Michel Polnareff est en exclusivité sur Vivacité. Avant son concert du 19 juillet au Francofolie de Spa, retrouvez Michel Polnareff chaque soir dès 17h dans le 5 à 7 et dès 19h dans le Tip Top. Michel Polnareff, cette semaine en exclusivité sur Vivacité. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Tifosi e aficionados del Belgio, ecco il nostro primo grande incontro dell'Euro 2016. Italia-Spagna, lunedì sera, in diretta su La 2, Vivacité e rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Vous êtes sur Viva, il est 10h. Et c'est Yasmina Favaro qui nous informe, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Ils ont commencé à décoller de la base de Kleinebrugel dans le Limbourg. Il y a une heure pour la Jordanie, il s'agit des 6 F-16 belges. Les avions repartent en mission pour la coalition internationale pour lutter contre le groupe terroriste État islamique. Ils effectueront des missions de surveillance et des frappes au-dessus de l'Irak, mais aussi la Syrie cette fois-ci. Les Belges vont prendre la relève des avions néerlandais en place depuis un an. Une cinquantaine de tracteurs prendront le départ d'ici une heure d'Arlon, direction le Luxembourg. Les producteurs de lait se déplacent pour crier leur colère au ministre européen de l'Agriculture. Des ministres réunis là-bas aujourd'hui et demain. La crise du lait sera bien sûr sur la table des discussions. Alors la Belgique plaidera pour une diminution temporaire de la production européenne, tout comme la France, l'Allemagne et la Pologne. 4 jours après le Brexit, David Cameron, le Premier ministre britannique, réunit ses ministres pour la première fois aujourd'hui. Au centre des discussions, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Un sujet qui sera aussi abordé par la France, l'Allemagne et l'Italie aujourd'hui. L'objectif, c'est se mettre d'accord avant le sommet européen de demain. Alors si le Français François Hollande souhaite que cette sortie des Britanniques se fasse rapidement, l'Allemande Angela Merkel, elle, temporise. Alors si vous avez acheté des chocolats dans les magasins Ikea, attention si vous êtes allergique au lait et aux noisettes. Le géant suédois rappelle les tablettes de chocolat Choclad Mork. L'étiquetage ne précisait pas la présence de lait et de noisettes dans ces chocolats. Les personnes allergiques peuvent donc les ramener en magasin. Pour les autres, eh bien pas de souci, vous pouvez tous les manger. En tennis, place au gazon et au tournoi de Wimbledon. Il démarre ce lundi avec 4 Belges. Côté dames, il y a Janina Wickmeyer qui affronte la tête de série numéro 15, Carolina Pliskova. Kirsten Flipkens, elle, sera opposée à l'américaine Gibbs. Et côté messieurs, eh bien, Ruben Bemmelmans jouera face au brésilien Thomas Bellucci. Et enfin, David Goffin, lui, sera opposé au britannique Alexander Ward, 244e mondial. Et puis du côté de la planète foot, quelles sont les équipes qui vont compléter le tableau des quarts de finale de l'Euro? Réponse ce soir avec les deux derniers huitièmes de finale. Italie-Espagne, c'est à 18h, un match attendu puisque c'était la finale il y a 4 ans. Et ensuite, à 21h, place à Angleterre-Islande. Pour la météo, eh bien, quelques éclaircies pour cette matinée, mais des averses vont déjà s'inviter dans le ciel dès cet après-midi. Les températures restent basses pour la saison, seulement entre 16 et 20 degrés. Et tout de suite, on va faire le point sur vos conditions de circulation avec Stéphane Piedbeuf. Et vous l'avez dit, dans une heure, des agriculteurs vont partir en manifestation au Grand-Duché du Luxembourg. On s'attend donc à avoir des files à hauteur de Sterpenich sur le 411 en venant d'Arlon vers le Luxembourg. Pour l'instant, pas d'embarras de circulation, mais toute l'équipe RTBF Mobile Info veille au grain. Un accident sur la Nationale 4, Namur-Bruxelles à Ernage. Le passage est difficile en direction de la capitale. Vers Bruxelles, sur le 411, ça coince toujours entre Overijs et Léonard. Il faut compter. Le passage est difficile en direction de la capitale. Vers Bruxelles, sur le 400, ça coince toujours entre Overijs et Léonard. Il faut compter. Il y a des files en direction de Zaventem. Et d'ailleurs, entre Ittre et le carrefour Léonard, vous perdez actuellement 45 minutes pour ce qui est de la circulation intérieure. C'est le chantier à Forêt qui vous ralentit entre Ittre et Grand Bigard. Il faut compter 23 minutes supplémentaires. Et pour la circulation dans Bruxelles, c'est les ralentissements habituels, par exemple, dans le tunnel Reyers vers Montgomery en direction de la Cambre. Les résultats de votre enfant étudiant ou supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info. Et pour le mener, c'est toujours Benjamin Maréchal. Et je signale au passage que c'est la dernière semaine de C'est vous qui le dites. Avant l'été, pas de panique, il y aura 8-9 la semaine prochaine. Et d'autres nouveautés qui sont dans les vacances. Voici la deuxième partie. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. À 10h45, notre rendez-vous avec la question qui dérange. De plus en plus d'élèves de primaire font le ramadan et à leur demande, paraît-il, dans certaines écoles, la moitié des élèves de 5e, 6e primaire jeûnent. D'où la question qui dérange. Est-ce que c'est dangereux en pleine session d'examen? Vous l'avez peut-être entendu dans le journal de 7h ce matin, dans une école de Scarbec, par exemple, dans une école communale, eh bien, la moitié des élèves de 5e et 6e sont en train de jeûner, pas par obligation, mais pour faire comme les grands, à tel point que les chefs de l'enseignement de Scarbec parlent d'une course aux meilleurs musulmans. La commune a décidé d'ailleurs de passer dans les classes pour essayer de dissuader les enfants. Est-ce que c'est dangereux pour des enfants, donc, de primaire, on est bien d'accord, de faire le ramadan qui se termine le 6 juillet? Le ramadan a démarré le 6 juin. Dans ce dossier, vous cherchez Mélanie Joris, le bon interlocuteur. À ce stade, avez-vous une piste? Oui, et la piste, eh bien, c'est de vous trouver un directeur d'école. C'est pas évident en cette période de fin d'année et de distribution des bulletins, mais je vais aller voir du côté des écoles islamiques. Il en existe plusieurs, notamment en région bruxelloise. Vous avez envie d'influencer la conversation tout à l'heure? Vous avez un avis sur l'impact du ramadan sur des enfants de primaire? Laissez votre commentaire à Marion au standard. Et Fabien de Séroumoustine ne croit pas que ce soit des enfants qui demandent eux-mêmes pour faire le ramadan. Les enfants veulent simplement faire comme les grands. Ils veulent imiter leurs parents. Alors, par contre, ils sont trop jeunes. À 10 ans, ils ne comprennent pas les dangers de faire un jeûne à leur âge. Et c'est donc la remarque que Fabien vous fait, Benjamin. Les parents ne devraient pas encourager ni même autoriser leurs enfants à faire le ramadan. À 10 ans, un enfant ne sait pas ce qui est bon pour lui. Ce sont donc aux parents de mettre les limites et de leur interdire de jeûner. Ah ben voilà le topo. Et puis on essaiera de faire le tri là-dedans tout à l'heure. Donc de plus en plus d'élèves de primaire font le ramadan, mais c'est donc à leur demande. Dans certaines écoles, la moitié des élèves de 5e, 6e jeûnent. Est-ce que c'est dangereux en pleine session d'examen? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait 3 débats sur la table. Diable Rouge, vous étiez où hier soir pour assister au triomphe 0-4 contre la Hongrie? Et tant qu'à parler foot, est-ce qu'on a là notre match référence? Un couple de Chaudfontaine a fraudé le chômage pendant 13 ans en déclarant des domiciles séparés alors qu'ils vivaient ensemble. Est-ce que vous vous sentez abusé, vous les citoyens, comme l'a dit le tribunal? Et puis le CDH veut des bus et trains gratuits pour les scouts en 2017. Est-ce que c'est vrai que le prix du transport cale et coince les unités? trois débats au 070-233-466, Marion. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur la victoire des Diables Rouges contre la Hongrie hier soir. Racontez-nous votre soirée, vous étiez où et est-ce qu'on a là notre match référence des Diables? Ce sont les questions que l'on vous pose ce matin dans ces week-ends. Eh bien, puisque vous souhaitez cette conversation, allons-y. Nous sommes donc en quart de finale de l'Euro. Tout a commencé hier soir à la 10e minute, cette fameuse tête d'Alderweireld. Et puis c'est la success story, pas en première mi-temps, mais après. Et 1, et 2, et 3, et 4-0. Hier, les Diables, 4 buts, 25 occasions et le reste. Depuis des mois, la Belgique cherchait un match référence. D'après les premiers commentaires de ce matin, elle l'a visiblement trouvé. Pour Eden Hazard, les choses sont limpides. Il est le héros dans la presse ce matin. Ses trois premiers matchs de l'Euro n'avaient pas convaincu. Hier, il était rapide, vif, étincelant et même buteur. Pour Lukaku, les choses sont moins claires. Pour Thierry Luther, on est sévère avec notre attaquant. Pour le soir, il a toujours cette incapacité à plonger pour couper les trajectoires. Et puis sur De Bruyne, il y a le De Bruyne du début, le De Bruyne de la fin. Héros ou pas héros, ce sera à vous de trancher. Et tous les autres, bien sûr. À ce propos, voilà ce qu'on a entendu hier. C'est assez particulier. J'ai vu le premier match, le premier goal à Namur. J'ai entendu les deux suivants dans mon véhicule entre Namur et Mons, et j'ai vu le but de Carrasco à Mons. Vous me permettez l'indiscrétion, pourquoi vous avez fait un tour de Belgique hier? C'est lié à une activité professionnelle? Oui, tout à fait, mais je suis placeur d'écran, donc pour ça que je fais le switch entre les différents lieux où on est présent. Ah, il y a plus de monde à Namur, visiblement hier, un peu moins à Mons, mais à Mons, il y avait les farandoles et l'ambiance. Vous étiez où hier soir pour assister à ce triomphe? Et puis parlons foot, débriefons ce qui s'est passé hier, voyons si les Diables ont atteint le plafond, ou ils peuvent encore faire mieux, peut-être vendredi en quart de finale. Voyons ça, est-ce qu'on a là notre match référence? 070-233-466 par SMS au 3063, et dans un instant, j'attends l'endroit où vous étiez pour le 01, le 02, le 03 et le 04. C'est vous qui le dites. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Travel, le beau vélo Dravel. Tous à Tournai ce 2 juillet. Rendez-vous dès 9h30, Esplanade de l'Europe pour le brunch ou à 13h pour la balade de 30 km à travers les plaines de Wallonie-Picarde avant les showcases des polos et de Grand Georges. Pour gagner du temps et des cadeaux, inscrivez-vous rtbf.be/lebeauvélo. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Garagisto, mi pneu est à platos. T'as donné? Toi, remplaçard, pneu d'émi. Que plaçard, pneu d'émi? Ouais, laisse ça tomber, on va se débrouiller. Vous partez bientôt en vacances? En ce moment, le réseau Volkswagen, Skoda, Audi et Seat vous offre un check-up d'été gratuit pour des vacances sans souci. Conditions et concessionnaires participants sur checkupete.be. Montagne, mer ou forêt cette année? Avec Jaspers, l'exclusif Adria, plus besoin de choisir. À vous la liberté. Le matin, la montagne, l'après-midi en forêt et les pieds dans l'eau en fin de soirée. Camping-car, motorhome, caravane, accessoires, tout pour des vacances rêvées. Jaspers, 178 chaussée de Bruxelles, au pied de la tour E40 à Aouen. Ne soyez pas hors jeu, préparez vos vacances avec Jaspers. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? On va s'entendre. Dès 11h, sur Vivacité. Vivacité La 2 présente Quentin Moziman au Bodestival. Son set DJ vous enverra en orbite. Le Bodestival, c'est aussi Overphonic, Christophe Willem, Charcot, Grand Georges et les frérots de la Vega parmi une vingtaine de concerts du 8 au 10 juillet en plein cœur de Bertry. Avec l'avenir.net, réservez vos places sur bodestival.be. UEFA Euro 2016. Plongez dans l'ambiance avec Vivacité. Vibrez avec les supporters. Retrouvez les dernières nouvelles des Diables, nos invités, nos analyses. Et surtout, vivez tous les matchs en direct. Jusqu'au 10 juillet, la rédaction des sports et l'équipe de Complètement Foot sont sur les routes de France pour vous faire vivre un euro bleu, blanc, diable. Avec France.fr et voyage-sncf.com. Jusqu'à 11h, c'est vous qui faites avancer le débat. 070 233 466. Vous avez donc choisi une conversation sur le match des Diables Rouges. Nous sommes en quart de finale. Et je peux vous dire, pour avoir vu la tête des équipes Vivacité ce matin, que 95% du staff a regardé ce match hier et a été couché très très tard. Résumé de la rencontre, puisque nous vous demandons tant qu'à parler de football, après avoir dit où vous étiez hier soir, nous vous demandons de parler de ce match référence. Si c'est le match référence, 10e minute, le but de Toby Alderweireld, cette tête magnifique. À la 78e, vous aurez noté l'assist d'Hazard et le but de Michy Batshuayi. Après même pas deux minutes de montée au jeu. Ensuite, ça continue très rapidement à la 79e minute avec Eden Hazard en pleine course qui tire. Il y a Krongra autour de lui. Et puis à la 91e, il y a Nick Carrasco qui va sceller définitivement la rencontre. C'est le 4-0 et 1 et 2 et 3 et 4. Qui avez-vous vu hier? Qu'avez-vous retenu? Comment pouvez-vous me décrire les Diables d'hier? 070-233-466 par SMS au 3063. Et c'est Chaudfontaine qui entame cette deuxième partie. Alain, bonjour. Bonjour, Benjamin. Ce match, vous l'avez regardé avec qui et où hier soir? Tout seul. J'ai perdu ma femme et mon fils, donc j'étais tout seul. J'ai 73 ans. Et vraiment, c'est le bonheur. Ce match, il vous a porté malgré la première mi-temps où on n'arrêtait pas de dire ils peuvent le tuer. Une seconde. Et là, je vous avoue franchement, même sur les joues, donc les larmes coulaient. À quel moment vous avez versé une larme, Alain? Presque en les voyant, je les trouve formidables. Vous avez eu la larme dès le premier but? Vraiment toute l'équipe, y compris le coach, vraiment sur le même pied, mais Eden Hazard, bon Dieu, quel joueur. Alain, qu'est-ce qui s'est passé en première mi-temps? Je vous demande de l'analyse de match maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ouvre le score? Et pourquoi on multiplie ses occasions? Qu'est-ce qui nous manque là? De la chance? Du réalisme? Qu'est-ce qui manque? C'est-à-dire qu'en réalité, on a de l'autre côté donc une équipe qui se défend comme elle peut. Et quand on voit donc le gardien de but donc de l'équipe adverse, de la Hongrie, ben c'est quand même quelqu'un aussi. 40 ans le gars, 40 ans. C'est extraordinaire aussi, c'est une belle équipe. Et en même temps, donc, de bons supporters aussi. Je les admire également. Est-ce que les Hongrois d'hier étaient forts? Ils ont été forts, en tout cas, donc, du point de vue respect, je veux dire. Je les respecte vraiment comme... Les Hongrois, c'est pas n'importe qui. Eden Hazard, faites-moi... Moi, j'ai 73 ans, et quand j'étais jeune, déjà, les Hongrois, on parlait de la Hongrie. Je vous demande maintenant, Alain. Alain, je vous demande maintenant un portrait d'Eden Hazard pour ceux qui ne connaissent pas ce jeune homme. C'est génial. Je me fous pas mal donc de ce qui peut gagner et également le Kevin De Bruyne donc également. Je trouve qu'ils apportent au pays un bonheur incroyable. Hier, De Bruyne, il était crevé à la fin ou il tenait encore la route? Oh, il tenait encore. Est-ce que vous voyez donc ce petit bonhomme parce qu'il est encore jeune? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il a fait? C'est que dans le premier but, la passe, la tête d'Alderweireld, c'est parce qu'il y a De Bruyne juste non, avant, évidemment. Il était là tout le temps. Il était là tout le temps. Vous avez vu les kilomètres qu'il a pu faire donc, au cours de ce match. Eden. Est-ce que vous sentez maintenant les Diables lancés et donc on doit s'attendre à quelque chose d'encore plus rapide contre le Pays de Galles? C'est pas fini. C'est pas fini. Mais même s'il ratait donc, un match jusqu'à la fin donc, de l'Europe, eh bien, je leur pardonnerai volontiers. Ils ont une équipe formidable. Résumons-nous. Donc, vous, hier, tout seul devant la télé, même en solo, ce match-là avait une saveur. J'ai toujours mal aux mains, tellement que je me suis levé et j'ai applaudi, moi. J'étais tout seul. Ah, vous étiez un supporter fervent hier, et puis vous avez entendu le travail des supporters dans le stade à Toulouse, très vite en début de rencontre. Tous les Belges chantaient « Allez Toulouse, chante avec nous !» pour mettre les supporters neutres dans la poche des Diables Rouges. Et visiblement, d'après les observateurs sur place, ça a fonctionné. Merci Alain d'être venu à Chaudfontaine ce matin. Moucron maintenant, on change de zone. Benjamin, bonjour. Bonjour Benjamin. Hier, vous étiez à la maison, mais il y avait quel public hier au domicile? Oh là là, on était une quinzaine à la maison, entre amis. Vous m'expliquez l'ambiance d'hier? Ah ben c'était fantastique, bien sûr, c'était fantastique. Très très très très bonne ambiance. Qu'est-ce que vous dites dans cette première mi-temps après le but à la 10e? Bah, on se dit que de toute façon, c'est le meilleur, c'est ce qui pouvait arriver de mieux, parce qu'on savait qu'on allait tomber contre un mur. Bah, comme maintenant, je vais dire, à 90% du temps, on tombe sur des équipes qui jouent le bloc derrière. Donc, si on peut faire sauter le verrou à partir de la 10e, bah, forcément, tout le match devient bien plus facile. Donc, c'était le meilleur des scénarios possible. Je vous fais une phrase et puis vous me dites ce qu'on fait avec ça. On a une équipe qui n'est bonne que en contre-attaque. Est-ce que ça colle encore après le match d'hier ? Non, pas du tout. Et moi, ça n'a jamais été mon, ça n'a jamais été mon idée non plus. C'est du journalisme, ça. Les journaux qui parlent de ça. Mais ah bah donnez-moi votre lecture. Donnez-moi votre lecture des Diables alors. C'est l'équipe offensive. Bah, la lecture des Diables, je pense que de toute façon, quand on voit les résultats, quand on voit les statistiques de Wilmot, j'ai vu hier ou avant-hier dans un journal, je pense qu'il est à plus ou moins 45 ou 48 matchs avec 30 et quelques victoires. Il nous amenait à la deuxième place mondiale, il nous amenait au quart de finale en Coupe du Monde, il nous mène en quart de finale maintenant. Maintenant, faut pas s'emballer trop vite, il est temps de gagner un grand tournoi, parce qu'on retient toujours que les gagnants à la fin. Mais voilà. Qu'on ait une équipe que de contre-attaque, on va pas dire qu'on a fait tout ça qu'en contre-attaque. Certains m'ont dit tout à l'heure, hier, s'il n'y a pas hasard, il n'y a pas ce résultat-là. Est-ce qu'hasard a été déterminant sur l'ensemble de la rencontre ? Oui, je pense, oui, quand même, qu'il a été déterminant. Maintenant, qu'on dise que s'il n'y avait pas hasard, il n'y avait pas ce résultat, je ne pense pas quand même non plus. Vous savez, dans toutes les équipes, il y a généralement un grand joueur. Hein. On va jouer contre le Pays de Galles, il y a Gareth Bale. Vous enlevez Gareth Bale, il n'y a plus grand-chose. Maintenant, nous, on a la chance que si on enlève hasard, il y a encore beaucoup de choses, justement. Pourquoi il a explosé hier hasard ? Pourquoi il a fait visiblement son match référence ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Bah, je pense tout simplement qu'il fallait jeune quand on voit... tous de la maturité. Je pense qu'Hazard prend de la maturité aussi. Je pense qu'il avait prévenu avant l'Euro, même si c'était peut-être un peu... Il avait quand même prévenu, il avait dit « Ce sera mon Euro ». Voilà, mais il lui a fallu trois matchs de chauffe. Donc à quoi on doit s'attendre pour la suite ? Eden Hazard, c'était un one-shot hier, ou là, il est dans une progression et ça va encore matcher vendredi contre le Pays de Galles ? Je pense qu'il est dans une progression. Je pense pas qu'il y a eu les matchs de chauffe. Vous savez, moi, je dis toujours, il faut se mettre à la place. Prenons vite l'exemple de la Suède. Vous êtes à 0-0. Vous savez que 0-0, c'est suffisant. Vous savez que si vous mettez un but, c'est paradis. Vous savez que si vous prenez un but, c'est l'enfer. Mettez-vous à la place de la tête des joueurs. Après, on dit oui, mais ils n'ont mis qu'un but. Ils n'ont pas joué. Vous savez, non seulement la pression, mais le mental dans des matchs pareils. Je pense que maintenant, ils sont tout simplement libérés. Il n'y a pas d'autre mot. Maintenant, c'est des matchs qui jouent. Il n'y a plus de points. Maintenant, c'est on gagne ou on perd. Et maintenant, on va voir la vraie Belgique. Et on l'a vu hier. Voilà. On parle de finale ou on ne parle pas de finale ? Bah, évidemment, on parle de finale avec l'autoroute qui est devant nous, avec le Pays de Galles. Et après, si je ne me trompe, la Pologne ou éventuellement... Pourquoi je vous dis ça ? Parce que De Bruyne a dit « Ne parlons pas encore de finale ». Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que lui. Benjamin, merci, vous êtes à Moucron. L'Aube nous appelle. Philippe, bonjour. Bonjour. Vous étiez où hier pour voir le match ? J'étais chez moi, dans mon divan, parce que je suis bloqué par une hernie discale, sinon j'aurais été dans le stade. Aïe, et vous avez pu un peu bouger, accompagné d'un mouvement, les buts hier, ou l'hernie discale vous a complètement calé ? Non, j'ai pu bouger. Si mon chirurgien m'avait vu, je me serais probablement fait en guirlandais, mais j'ai pu bouger. J'étais dans le divan pour le premier but, à genoux par terre pour le deuxième, à courir autour de la table pour le troisième, et le quatrième, je ne m'en souviens plus. À genoux, alors que vous avez l'hernie discale. Quel est le plus beau but hier soir pour vous, le plus impressionnant ? Clairement, celui d'Eden Hazard. Celui de la 79e, il est en pleine course, il y a quatre mecs autour de lui, et le tir. Et tous, voilà, il fait... Et ben, c'était du Lionel Messi, du Neymar hier. Ben voilà, on avait enfin le grand hasard. Pourquoi il n'était pas là les autres fois, hasard ? Pourquoi il était là hier ? Ouais, moi je pense qu'il a toujours été là. D'ailleurs, pour moi personnellement, les trois premiers matchs, hormis peut-être le deuxième où Witzel était extraterrestre aussi, pour moi Eden Hazard est le meilleur dans tous les matchs. Hier, il était simplement extraterrestre. De Bruyne dit « Ne parlons pas encore de finale ». Est-ce que vous, Philippe, vous me parlez de finale ou c'est trop tôt ? Nous sommes supporters, donc forcément, moi j'en parlais déjà avant, et comme l'auditeur précédent l'a dit, on a maintenant une autoroute, donc oui, il faut penser à la finale, et je pense sincèrement que les joueurs y pensent depuis le début aussi, ils ne peuvent pas le dire à l'interview, c'est logique. Ah ben il vaut mieux ne pas le dire, ça c'est une certitude, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, effectivement. Philippe, attention à l'hernie donc pour le match de vendredi soir. On marque une nouvelle pause, et dans un instant à Bastogne, Eric viendra nous raconter sa soirée, à la 10e, à la 78e, à la 79e, à la 91e. Que faisait Eric de Bastogne ? avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Tifosi et aficionados de Belgique, voici la rencontre choc des huitièmes de finale. Italie-Espagne, à suivre en direct lundi soir sur la 2, Vivacité et rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Et aux 70-233-466, Marion, dans ce flot de louanges, vous avez quand même trouvé quelques critiques sur les Diables. Il y a eu au match d'hier, point d'interrogation ? Eh bien oui, ils sont plusieurs à trouver que ce match n'est pas le match de référence. Et il y a certaines personnes qui ont encore quelques critiques envers les Diables Rouges ou encore envers le choix de l'entraîneur Marc Wilmots. C'est le cas de Naïma Delaken. Elle trouve que si la Belgique veut gagner l'Euro 2016, il faut sortir absolument Lukaku du terrain beaucoup plus tôt. Elle estime que hier, c'était la preuve de son inefficacité. Dès qu'il est sorti, on a enchaîné les buts. Alors il est temps que Marc Wilmots se réveille, selon Naïma. Claude de Wépion, lui aussi, n'est pas d'accord. Il trouve qu'on ne peut pas qualifier ce match contre la Hongrie de match de référence, tout simplement parce que Claude estime que la Hongrie n'est pas une vraie équipe, ce n'est pas une équipe forte. Il se rappelle, lui, du match contre l'Argentine. Les Diables s'étaient fait dominer. Alors qu'arrivera-t-il quand ils joueront contre la France ou encore contre l'Allemagne ? Claude se pose la question et c'est pour ça qu'il attend. Il attend un match contre une grosse équipe pour pouvoir qualifier un match de référence. Et puis il y a Bertrand de Fleurus qui, lui aussi, a une critique. Et lui, il estime que les Diables... ce n'est pas leur match de référence, tout simplement parce qu'il y a un gros point noir au tableau. Ce point noir, c'est la suspension de Vermaelen, un carton jaune à la 60e minute. Pour Bertrand, un match n'est pas parfait si des fautes sont commises par nos joueurs. Ici, c'est le cas, donc non, ce n'est pas le match de référence. Demandons un avis alors à Bastogne. Eric est en ligne, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Hier, vous regardez le match chez vous à la maison. Est-ce que vous avez vu le match de référence des Diables ? On s'en sort, qu'il faut quand même retomber un peu les pieds sur terre. On n'a jamais battu que la Hongrie. Quand on a joué contre l'Italie, on n'a jamais su revenir au score quand on a été mené. Pareil contre l'Argentine. On n'a encore jamais battu une grande nation du foot. Ce qui s'est passé hier, c'est pas la preuve que nous sommes une grande nation du foot ? Non, moi personnellement, non. J'attends de voir déjà contre le Pays de Galles, on a pris un point sur 6 contre eux. À mon avis, ça sera peut-être déjà autre chose, on verra. Puis moi, je pense que c'est vraiment à partir des demi-finales, si on les atteint, que là, on va vraiment voir où se constitue. Quand on va tomber contre une grande nation, là, on pourra... Pour moi, c'est vraiment là qu'on verra notre niveau. Attendez, avant de voir le niveau hier, vous n'avez pas vu de la vitesse ? Vous n'avez pas vu les... Attendez, je reprends mes chiffres. Vous n'avez pas vu les 25 occasions des Diables ? 25 occasions ? Oui, mais il faut pas rêver, monsieur. Quand on va tomber contre le Pays de Galles ou qu'on va aller en demi-finale, vous compterez les occasions, on en aura peut-être une ou deux, et là, il faudra les mettre. Ça va quand même être tout à fait différent. On va quand même jouer contre des gens rodés aussi, qui ont une très très grande expérience des longs tournois, et croiser les doigts que Simon joue derrière à la place de Vermaelen. Il faut croiser les doigts, parce que si on ne met pas Simon derrière, que Wilmot ne met pas Simon, à mon avis, on va souffrir derrière quand on va jouer contre une grande équipe. Attendez, permettez-moi juste de vous soumettre une phase de jeu, vous me donnez votre analyse. À la 79e, il y a Eden Hazard en pleine course. Il y a 4 Hongrois autour de lui, il les dribble tous les 4, et il tire et il marque. Ça. Oui, c'est magnifique, mais quand vous jouerez contre l'Allemagne, ça m'étonnerait qu'il saura passer comme il a passé hier. Le marquage sera quand même un peu autre chose. Regardez contre l'Italie, le marquage sera quand même tout à fait différent, on ne le laissera pas se promener comme il a fait hier. Vous tombez contre les Allemands ou les Anglais, ça n'ira quand même pas comme ça. Attendez, donc ce qui s'est passé à la 10e, le centre de De Bruyne, tout d'un coup, Toby Alderweireld qui saute comme Lukaku, mais c'est la tête de Toby Alderweireld, ça c'est parce qu'on a eu un peu de chance hier. Bah oui, mais vous croyez que si on joue contre l'Allemagne, Boateng qui va laisser mettre Alderweireld la tête comme il a mis hier? Non, voilà, il faudra encore hausser le niveau et encore, on verra, moi je dis. Je suis encore quand même sceptique, j'espère, je croise les doigts. Et je dis, comme Vermaelen est blessé, croisons les doigts qu'il met Simon et qu'il ne chamboule pas tout, qu'il mette Simon avec son expérience derrière dans l'axe. Sinon, on aura très très dur. Défensivement, je suis encore un peu sceptique aussi. Donnez-moi alors la suite du tableau, on réfléchit ensemble. Donc, imaginons que nous, on se qualifie pour la demi-finale. Jeudi soir, on connaîtra notre adversaire dans le match Pologne-Portugal. Qui gagne ce match, d'après vous ? Pologne-Portugal, pronostic ? Moi, la Pologne. Vous voyez la Pologne et pas le Portugal. Face à la Pologne. La Croatie aurait joué vraiment son niveau, vraiment joué au football. Pour moi, ils auraient battu le Portugal. Et un Belgique-Pologne, ça va donner quoi ? C'est du 50-50. On a vu la Pologne contre les Allemands. C'est très, très solide, hein, la Pologne. Hein. L'attaquant du Bayern, c'est quand même pas un attaquant hongrois dans ce qu'il a. Hein, il faut attendre, il faut voir. Moi, je dis, à partir des demi-finales, on verra vraiment notre niveau si on y va. Ah ben, il faut déjà y arriver. Qui était l'homme du match pour vous hier? Si c'était pas Hazard, c'était qui? Si c'était pas Hazard hier? Pour moi, oui. Dans le match d'hier, c'est Hazard. Hein. C'est Hazard. Hein. Donc là, on a le match référence. Les Diables, peut-être pas, mais Eden Hazard, on a le match référence. On verra. Donc, vous nous pronostiquez une victoire jeudi soir, 21h à Marseille, de la Pologne contre le Portugal. Allons à Tournai maintenant. Alain, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et hier, vous étiez où pour le triomphe? Ah, moi, j'étais à R, le village de R, à côté de Tournai. Il y avait un écran géant ou c'était dans un café? Oui, il y a un écran géant dans une salle des fêtes. Et on est facilement 500 personnes. C'était quel genre de folie ou d'ambiance discrète? Ah, c'est la folie. Enfin, moi, c'est du jamais vu. J'ai 56 ans, j'ai connu beaucoup de Coupes du Monde. Enfin, les anciennes, quand on était à Mexico. Et donc, voilà, c'est quelque chose. Moi, sincèrement, j'ai jamais vu ça. Je sais que sur la place Reina Street, ils ont réuni 5500 personnes. Je crois que ça, c'est vraiment du jamais vu. Et hier à R, quel public y avait? Il y avait des femmes, il y avait des jeunes enfants ou vous étiez entre 4 et 56 ans? Non, il y a des jeunes enfants. On met des barrières devant l'écran pour que les enfants les plus petits puissent voir. Et puis ensuite, c'est les adultes et les ados. Moi, j'ai ma fille de 15 ans qui m'accompagne à chaque fois pour voir les matchs. Au criomètre, quel est le but qui a été le plus crié, qui a déclenché le plus? Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième? Mais je crois que c'est le premier. Hein. Le premier et bien sûr la délivrance, le deuxième. Ensuite, c'était toujours la folie. Mais ces deux buts-là étaient importants. Parce que je pense qu'on a eu un peu peur, justement, c'est qu'on ne s'est pas mis à l'abri assez vite. Pourquoi il ne tue pas le match? Ça, on n'a pas encore de réponse à ça ce matin. Pourquoi il ne le tue pas? Mais oui, il ne le tue pas parce que y a eu un excellent gardien de l'autre côté. D'ailleurs, moi, je pensais que le gardien était prenable. Je m'étais dit, il n'y a pas de problème, on va marquer notre deuxième but. Et pour finir, il arrête tout, quoi. Et donc, il faut un petit peu de réussite, mais on a eu les occasions. Mais voilà, après, on a eu la délivrance un peu tard. Mais j'avais toujours peur d'un contre. Heureusement que Courtois, il a fait son match à Courtois. Ah, il était là. Il a... match, il nous en sauve un ou deux. Il n'y a rien à faire. Hein. Vous me donnez un avis sur l'ensemble du match d'hier? Est-ce qu'on avait là le match référence? En tout cas, moi, j'ai trouvé la Belgique sûre d'elle. Il y avait du rythme. Et tout de suite, on a senti qu'ils étaient bien dans le match. Ça, c'est les supporters. Moi, je me suis retourné. Je me dis, ils sont bien dans le match. On était bien placés. Dans le soir, il y a un dossier Lukaku. Est-ce que chez vous, à R, il y avait un dossier Lukaku? Non, mais c'est-à-dire que c'est certainement un petit peu le plus critiqué. Moi, j'aime pas critiquer. Non, mais c'est-à-dire que c'est certainement un petit peu le plus critiqué. Moi, j'aime pas critiquer. Je vais dire le moins bon. Hier, il a fait son boulot, mais c'était le moins bon. Il y a encore beaucoup de lacunes au niveau de ses passes. Quand il doit se retourner, tout ça, c'est encore un peu brouillon. Mais à part ça, on a un esprit d'équipe formidable. Moi, j'ai trouvé que l'ensemble de l'équipe était très bon. Peut-être Lukaku, peut-être un petit peu en retrait par rapport aux autres. Mais c'est pour moi un bon match. Alors la suite. Donc, imaginons qu'on se qualifie pour les demi contre le Pays de Galles vendredi soir. Qui gagne le match Pologne-Portugal? Qui est notre adversaire en demi? Oui, moi je dirais aussi la Pologne. Et je pense que c'est l'adversaire qui nous conviendrait. Enfin, c'est 50-50, comme le monsieur avait dit juste avant. Mais je pense qu'on peut les battre. Ça dépendra du match qu'on va réaliser contre le Pays de Galles. Il faut qu'on reproduise un petit peu ce qu'on a fait hier. Quoi. Je fais une parenthèse, puisque vous êtes à Tournai. Le match de vendredi, c'est à 21h à Lille. Vous irez à Lille? Ou vous restez côté belge? Non, j'ai pas de place malheureusement, mais allez, je resterai à tourner, l'ambiance est bonne, et voilà, on sera avec eux, on n'est pas loin, on le sait, mais voilà, je resterai à tourner. Ah, c'est quasi à domicile, hein. Jouer à Lille, il faut être bien conscient que c'est à côté de la frontière, à quelques encablures, c'est quasi un match à domicile. Alain, merci d'avoir raconté la soirée folle d'air hier. Il est 10h31, c'est l'heure de la proportion maintenant. Marion, dans les Appelants de ce matin, combien estime qu'Eden Hazard doit rester le capitaine des Diables après l'Euro et donc à la place de Vincent Kompany? 85% estiment qu'Eden Hazard doit rester capitaine des Diables après l'Euro et donc remplacer Vincent Kompany. Avec ce commentaire de Jules de Sommeleuse, Eden Hazard était l'homme du match hier soir. Il a joué comme un dieu, il a les épaules pour être capitaine, alors il doit remplacer Vincent Kompany, qui est lui bien trop souvent blessé et absent, selon Jules. TBF Mobile Info maintenant, Stéphane. Et bonne nouvelle, la police nous le confirme, c'est la fin du rassemblement des tracteurs avant Sterpenich sur le 411. Et donc ils continuent leur route vers le Luxembourg. Aucun embarras de circulation d'ailleurs depuis le début sur cette autoroute 411 en direction du Grand-Duché. Par contre, pour rejoindre Bruxelles sur le 411 de Namur vers Bruxelles, ça coince toujours entre Overijse et Léonard, ajouté 20 minutes. Sur le ring de la capitale, toujours cet accident en circulation extérieure à hauteur de Léonard. Il obstrue toujours la bande du milieu et donc il y a de nombreuses files en direction de Zaventem. Et c'est vrai qu'on le constate, les temps de parcours sont assez considérables pour l'heure. 45 minutes supplémentaires entre Ittre et le carrefour Léonard actuellement. Une vingtaine de minutes pour la circulation intérieure du ring de Bruxelles entre Ittre et Grand Bigard. Ralentissement habituel dans les tunnels bruxellois. Et puis dans la série, les travaux qui vous ralentissent. Il y a des ralentissements sur la Nationale 5 entre Charleroi et Couvin. C'est le chantier entre Sommezet et Frères. Vers Couvin, vous êtes ralenti entre Sommezet et Frères. Vers Charleroi, la circulation est fluide. Et puis sur le 42 Mons, tourné à Tournevaux, il y a des files depuis Antoin en direction de Tournai. Soyez patients de ce côté-là. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Dans un instant, la question qui dérange et j'attends un nom. Certains enfants d'école primaire, de 5e et 6e en l'occurrence, veulent faire le ramadan exactement comme les grands. Est-ce que c'est dangereux de faire le ramadan quand on est en primaire? J'attends un nom après la pause. Ça. Quoi donc? Les soldes à Médiacité. C'est à partir du 1er juillet, avec non pas une, mais deux nocturnes. Le vendredi 1er et le samedi 2 juillet, jusque 22h. Et le dimanche? Le dimanche aussi, de 11h à 19h. Oh, incroyable! Médiacité. Shopping, loisirs, plaisir. Vivacité et La Troie présente l'exposition En plein air, à la Beauverie à Liège. Retrouvez les œuvres de Picasso, Léger, Monet, Cézanne, Matisse dans une magnifique expo créée en collaboration avec le Louvre. Infos et réservations, labeauverie.com. La Beauverie, bien plus qu'un musée. Une initiative de la ville de Liège. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. La question qui dérange, à 10h45, alors que le ramadan n'est pas terminé, eh bien on apprend que de plus en plus d'élèves de primaire font le ramadan à leur demande. Et dans certaines écoles, c'est le cas à Scarbec notamment, la moitié des élèves de 5e et 6e primaire jeûnent. Est-ce que c'est dangereux en plein examen? Point d'interrogation. Au moment où on apprend que l'échevin de l'enseignement à Scarbec lui parle d'une course aux meilleurs musulmans, voilà ce qui pousserait les enfants. Interrogation. Au moment où on apprend que l'échevin de l'enseignement à Scarbec lui parle d'une course aux meilleurs musulmans, voilà ce qui pousserait les enfants. Avec plus ou moins de succès, ramadan 6 juin, 6 juillet. Est-ce que c'est dangereux pour les enfants de primaire? Mélanie Joris, vous cherchez le bon interlocuteur dans ce dossier. Avez-vous un nom à nous proposer? Oui, bien en tout cas, j'ai tenté de joindre plusieurs écoles islamiques, dont notamment La Plume à Molenbeek et La Vertu à Scarbec, mais sans succès. Hein, c'est le rush de la fin de l'année et les directeurs passent d'une réunion à l'autre. Alors j'ai également tenté de décrocher une interview auprès de l'échevin de l'enseignement de Scarbec, mais il sera à la remise de diplôme des rhétoriciens de la commune. Il ne pourra donc pas s'interrompre pour nous. Finalement, vous parlerez avec Fabrice Kumps, l'échevin de l'enseignement de la commune d'Anderlecht. Là aussi, des demandes d'élèves sont apparues dans les écoles et sont remontées jusqu'à l'échevin. Ces demandes sont apparues de manière spontanée, parfois même sans que les parents ne soient au courant. Au sein de la commune, la réponse face à cette demande est très claire, c'est non. Alors de son côté, l'exécutif des musulmans de Belgique a rappelé via un communiqué de presse que les circonstances du ramadan de cette année étaient plutôt exceptionnelles. La période du jeûne est exceptionnellement longue puisqu'il est interdit de manger entre 4h du matin et 10h du soir. L'exécutif précise trois points. Vu que l'islam prône la facilité et non pas la difficulté, vu la longueur de jeûne et vu l'importance et la priorité de la réussite des examens, eh bien les étudiants et les élèves en âge de jeûner qui se trouvent en difficulté pour combiner ramadan et examen peuvent reporter ces jours de jeûne ultérieurement. Vous souhaitez influencer la conversation, vous avez une question à nous souffler, c'est via Marion Standard. Et Moustapha de Scarbec explique que les enfants de 10 ans peuvent faire le ramadan, mais pas à l'école. Les fils de Moustapha ont 11 ans et ils font le ramadan à la maison le week-end. Moustapha précise que ce sont ses enfants qui ont demandé pour le faire, ce n'est pas lui qui les a forcés à le faire. Alors ils font le ramadan à la maison uniquement parce que 19 heures de jeûne pour un enfant, c'est dur, explique Moustapha, surtout à l'école où ils doivent être concentrés. À la maison, au moins, ils sont entourés de leurs parents. Et puis ils n'ont pas aussi les critiques qui viennent des autres élèves de l'école. Ils n'ont pas non plus les tentations lors du goûter ou du temps de midi, quand les autres élèves peuvent manger, mais eux pas. De plus en plus d'élèves de primaire font donc le ramadan à leur demande. Est-ce que c'est dangereux en plein examen? Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez souhaité une conversation sur le triomphe des Diables Rouges. Où étiez-vous hier soir pour assister au triomphe des Diables 0-4 contre la Hongrie? Et tant qu'à parler football, est-ce qu'on a là notre match de référence? 0-70-233-466 par SMS au 30-63. Où étiez-vous? Soigny est en ligne. Didier, bonjour. Oui, bonjour, Benjamin. Et hier soir, ce match, vous l'avez vu avec qui et où? Avec c'était la fête scolaire de mes enfants à Neuville, un petit village près de Soigny. Et en fait... Il y avait un écran géant dans la cour de récré? C'est dans sous chapiteau, c'était sous un chapiteau, ils avaient fait un grand chapiteau parce que c'est quand même une grosse fête scolaire. Et il y avait à peu près... pour le match, 300 personnes, 300-350 personnes qui étaient restées après la matinée enfantine pour assister au match. Vous me parlez des enfants face au but, donc le match a démarré tard, hein, 21h et a fini tard. Vous me parlez des enfants face au but, ils étaient encore attentifs? Ah oui, oui, oui, parce que on avait mis l'ambiance juste après la matinée enfantine, on avait mis l'ambiance de la musique pour... on avait un chauffeur de salle et tous les enfants se sont mis sur le podium, assis sur des bancs, ils ont regardé le match et c'était la folie, quoi. Farandole, pas farandole? Ah, après le match, farandole. D'ailleurs, même les professeurs, le directeur, tous les gens, tous les bénévoles qui avaient travaillé toute la journée, pourtant ils étaient fatigués, mais après le match, on a tous fait des farandoles, on a tous fait une farandole, en fait. Voilà, donc le but pour vous, celui que vous irez revoir, c'est que sur rtbf.be/sport, on peut revoir minute par minute le déroulé du match, y compris donc les buts. Quel est le but d'hier pour vous? Le but d'hier, c'est celui d'Hazard, comme pour tout le monde, je crois, parce que Hazard, là, nous a sorti de grands jeux. Et en deuxième, le premier, parce que le premier, si c'est pas... Ah, s'il n'y a pas le premier, il n'y a pas les autres. Oui, voilà. Voilà, donc c'est ça qui a mis l'ambiance un peu partout, parce que j'étais en communication avec un autre écran géant un peu plus loin, et c'était la folie aussi. Est-ce que les Diables étaient plus rapides hier que d'habitude? Est-ce qu'ils étaient plus offensifs hier que d'habitude? Oui, et grâce à la Hongrie, qui est une équipe qui jouait au football, qui a voulu jouer au football, comparé à la Suède ou à l'Italie qui ont fermé le jeu. La Hongrie, eux, ont ouvert le jeu, ils n'ont pas eu peur, ils ont voulu jouer au football. Quitte à se prendre 4 goals comme ils ont pris, même si c'était 7 ou 8, ils se seraient pris 7 ou 8 goals, mais ils ont voulu jouer au football. On voit que le jeu était ouvert, ils ne se sont pas retranchés dans leur match de terrain, ils ont quand même voulu jouer au foot. Hier, vous avez vu une tactique sur le premier but ou vous avez vu une erreur? Donc il n'y a pas de marquage homme pour homme, c'est sans doute pour ça dans le premier but que Toby Alderweireld peut sauter à son aise et mettre la tête. Vous avez vu un choix tactique ou vous avez vu une erreur défensive des Hongrois hier? Non, disons un beau coup franc. Et à la base, quand on regarde bien les images, à la base, qui est pour Lukaku, et Alderweireld qui arrive par derrière et qui met sa tête, le gardien pense que c'est Lukaku qui va la prendre et c'est Alderweireld qui la met. Donc le gardien est vu parce que lui a son attention sur Lukaku. Ah ben on a tous, pour tout vous dire, avec l'équipe de Sevokeldis, on a tous cru que c'était Lukaku qui allait y aller. Effectivement, le tir de De Bruyne était fameusement calibré. 10e minute, ouverture du score est faite donc à Neuville sous le chapiteau. Il est 10h41, on appelle les experts. Vous avez entendu Thierry Luther, direct de Toulouse, tout à l'heure dans le 8-9. Il allait maintenant se diriger vers Lille pour le match de vendredi. Eh bien, voyons le reste des collègues de presse écrite. Il était hier également dans ce match Belgique-Hongrie, journaliste sportif à la dernière heure, les sports. Christophe Franken, bonjour. Bonjour Benjamin. Un mot sur l'ambiance hier. On a entendu, vu de Belgique à la télévision, Rodrigo Benkens racontait que les supporters belges étaient en train de crier et de chanter « Toulouse, chante avec nous » pour mettre dans la poche des Belges les supporters neutres. Vous me dites un mot sur l'ambiance dans le stade oui, hier? Oui, c'est vrai, mais Oui, c'était ça, et je pense qu'effectivement Toulouse a craqué pour les Belges très rapidement. Il n'y a même pas eu besoin de ce chant-là pour que les supporters toulousains d'hier aient envie de participer à la fête, parce que c'était tellement beau ce qui se passait sur le terrain que il y avait, voilà, le supporter neutre ne pouvait que tenir qu'avec la Belgique hier. Mais c'est vrai que les supporters ont entraîné aussi ça et ont participé aussi au fait que ce soit une si belle soirée hier pour les Diables Rouges. Avec vos yeux de journaliste, la première mi-temps, elle était belle ou la première mi-temps, elle était terriblement complexe, énervante, stressante parce qu'on n'arrivait pas à clôturer? On avait l'impression d'être dedans quand même, contrairement face aux États-Unis, on en avait quand même une, et donc c'était un petit soulagement. Finalement, le stress, il était plus présent là en deuxième mi-temps, quand les Hongrois ont poussé pendant un quart d'heure. Pour le reste du temps, on n'a quand même pas eu vraiment l'impression de se dire on va être éliminé. On se disait juste combien on va finir par en remettre. On voyait bien les Hongrois. Il courait de moins en moins, il suait de plus en plus parce que la tribune de presse est assez bien mise, donc on était proche du terrain et on voyait bien qu'ils souffraient, qu'ils allaient finir par craquer complètement, et c'est ce qui est arrivé. Alors je l'ai dit tout à l'heure, il y a un petit dossier Lukaku dans le soir, incapacité à plonger pour couper les trajectoires. Il y a une autre version qui dit Lukaku, c'est l'homme qui a fatigué la défense d'en face. Vous êtes de quel positionnement, vous, sur Lukaku? Moi, dans le deuxième camp. Alors, moi, je trouve qu'il a... C'était pas son meilleur match de la compétition parce qu'il a fait 2-3 petites erreurs techniques dans la conservation du ballon, mais pour le reste, il est impressionnant. Le mot injouable, j'aime pas trop parce que ça n'existe pas, peut-être pour Messi, mais il est tellement compliqué pour une défense à prendre. Après, dans la zone mixte, après, donc là où on fait la zone des interviews, j'ai vu Roland Huas, l'ancien joueur d'Anderlecht, qui était chargé de le prendre, qui expliquait que voilà, il l'avait connu quand il avait 16-17 ans, c'était déjà très compliqué de le tenir pour un défenseur. Et il dit là maintenant qu'il a pris de l'expérience, qu'il a encore pris plus de muscles, il dit c'est vraiment très très difficile de le prendre. Même moi, avec toute mon expérience, j'avais vraiment beaucoup de mal et ça a fini par craquer. Donc parfois c'est un travail de l'ombre qu'on ne voit pas toujours, mais il a été très bon. Je trouve que contre la Suède, il avait été très très très bon et il progresse beaucoup. D'ailleurs, à la Coupe du Monde, Wilmot changeait quasiment à chaque match d'attaquant. Là, il y a encore plus d'attaquants disponibles, il en a 4. Et il fait confiance. Lukaku. Donc, c'était quand même pas un hasard. Ouais. Alors, je passe volontairement la question sur Eden Hazard, le héros de ce matin, avec l'impression qu'il s'est complètement libéré hier et que ça va donner quelque chose vendredi. Un mot sur De Bruyne. Ça, depuis 2 heures et depuis le début de notre conversation, on a du mal à le comprendre hier, De Bruyne. C'était un grand match, un petit match. Il avait 2 temps, il était épuisé sur la fin. De Bruyne, on l'a pas bien lu hier. Et bon, donc déjà, il donne le premier but, faut pas l'oublier quand même, sur magnifique coup franc. Mais surtout, moi, je trouve qu'il a été très, très bon, parce qu'il a été très bon défensivement. Et c'est un peu ce qu'on lui reprochait finalement, en tout cas à lui et à la paire Hazard. C'est nos deux stars, et ils ne savaient pas jouer ensemble. Et là, pour la première fois depuis très longtemps, on a l'impression que De Bruyne s'est sacrifié pour Eden Hazard. Donc c'est lui qui a fait tout le boulot défensif, qui vraiment a joué dans l'ombre pour permettre à Hazard de briller dans un rôle qu'on ne voit pas toujours. Mais il y avait un des deux milieux défensifs hongrois qui montait toujours. Si De Bruyne n'avait pas fait le travail défensif et beaucoup couru, parce que c'est le diable qui a le plus couru, des 5 diables qui a le plus couru, c'est normalement pas ce qu'il doit faire. Il l'a fait. Donc voilà, sans ça, Hazard n'aurait pas pu briller. Donc bravo à De Bruyne. Moi, je trouve justement, si De Bruyne fait ça à chaque match, alors là, s'il se met au service d'Eden Hazard, parce qu'à ce niveau-là, De Bruyne sait qu'Hazard est encore plus fort que lui. Et donc, s'il le comprend et qu'il accepte, alors là, je ne vais pas dire qu'on est imbattable, mais alors là, je veux dire que ça va faire très peur à toutes les autres équipes du tournoi. Ah, bah alors attendez, oui ou non, et on termine avec ça. Vous lui demandez un sacrifice, vous demandez à De Bruyne de se sacrifier? Mais il faut savoir, oui, c'est les deux stars, ils s'entendent très bien, mais c'est deux égos, c'est deux joueurs qui ont envie d'être ils sont le meilleur joueur chaque fois dans leur club. Ils ont envie d'avoir le même statut en équipe nationale. Ils se battent un peu pour ça, ils ont tous les deux envie de jouer dans l'axe, d'être le meneur de jeu, mais on peut en avoir qu'un dans une équipe. Et hier, c'était clairement Eden Hazard qui avait ce rôle, il était en feu. Et De Bruyne aurait pu jouer dans son coin et se dire un peu tant pis. Non, il a fait tout le boulot. Et malgré tout, il a quand même amené du danger dès qu'il le pouvait. Ah, et le premier but, il faut le rappeler, c'est grâce... Parce qu'il a... Ouais, le premier but, c'est aussi grâce à lui, hein, faut le signaler. Hein, la tête d'Alderweireld, c'est lui. Voilà un partage d'expérience. Vous êtes journaliste sportif à la dernière heure, les sports. Merci Christophe Ranken, bonne journée. En 070-233-466, Marion, où les supporters se préparent pour Lille vendredi. C'est ça, les supporters sont nombreux à vouloir aller à Lille ce vendredi pour assister au match des Diables ou au moins vivre l'ambiance d'après-match dans les rues de Lille. Grégory de Herculine explique que vendredi, avec 10 amis, ils vont rejoindre Lille. Alors Grégory aurait déjà bien voulu les voir jouer à Toulouse ou encore à Bordeaux, mais c'était trop loin. Ici, il n'a plus aucune excuse. Lille, c'est tout près de chez lui. Il y va. Selon Marie de Verviers, les supporters doivent se rendre à Lille pour supporter les Diables. C'est un devoir, selon Marie. Les Diables sont de plus en plus sous pression dans cette compétition. Ils ont plus que jamais besoin de soutien. Alors Marie veut montrer de quel bois les supporters belges se chauffent. Et enfin, Nicolas Dixel, eh bien, quand lui, il a vu l'ambiance qu'il y avait dans le centre de Bruxelles hier soir, il a pris sa décision. Il veut aller à Lille vendredi. Il va y aller. Et dans un instant, la question qui dérange des enfants de primaire qui font leur ramadan en plein examen. Dangereux ? Vous voulez un deuxième couvert pour la coquette ? Non, on va se débrouiller. On est attablé au comptoir d'une des poissonneries les plus connues de Bruxelles, Place Sainte-Catherine. Et je dois dire, un de mes endroits préférés à Bruxelles. On peut commander en français, en anglais, en néerlandais. C'est toutes les communautés en un endroit et ça me plaît beaucoup. Est-ce que je peux terminer ma croquette de crevettes ? Vivacité. Bruxelles nous rend complices. Envie d'info où, quand et comme je veux. Bienvenue en ce journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le forum. Aujourd'hui, à l'aide de l'actualité, plusieurs centaines de migrants. RTBF Ovio, l'info où, quand et comme je veux. C'est sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Cette semaine, Michel Polnareff est en exclusivité sur Vivacité. Avant son concert du 19 juillet au Francofolie de Spa, retrouvez Michel Polnareff chaque soir dès 17h dans le 5 à 7 et dès 19h dans le Tip Top. Michel Polnareff, cette semaine en exclusivité sur Vivacité. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Tifosis y aficionados de Bélgica, ya viene el choque del euro. Italia-España en directo este lunes en la 2 Vivacité, irtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. De plus en plus d'enfants de primaire font le ramadan à leur demande, paraît-il, dans certaines écoles de Schaerbeek. C'est même la moitié des élèves de 5e, 6e qui jeûnent. Est-ce que c'est dangereux en plein examen? On appelle les chevins de l'enseignement d'Anderlecht dans une seconde, mais d'abord, dernier commentaire au standard, Marion. Et Julie de Estine se demande si les communes ne peuvent pas faire en sorte que les directions d'école interdisent de faire le ramadan dans leur sein, puisque même l'exécutif musulman encourage officiellement les enfants à ne pas faire le ramadan. C'est la question qu'elle faudrait que vous posiez à Fabrice Kumps, Benjamin. Le ramadan a commencé le 6 juin, se termine le 6 juillet et les chevins de l'enseignement Anderlecht est en ligne. Fabrice Kumps, bonjour. Bonjour. Vous avez une quinzaine d'écoles primaires sous votre responsabilité. Dans cette quantité-là d'élèves, vous avez une proportion, une idée du nombre d'élèves de primaires qui font le ramadan ? Non, on n'a pas vraiment de statistiques, mais en fait, il faut préciser quand même qu'ils expriment le souhait de faire le ramadan, mais ils ne le font pas, parce que comme vous entendez votre auditrice, donc on a pris la décision, Anderlecht, il y a 3-4 ans maintenant, de ne pas autoriser le fait que les élèves qui restent à l'école fassent le ramadan. Et bien souvent, c'est une volonté qui est exprimée par les élèves à l'insu de leurs parents. Et quand on appelle les parents pour dire volonté qui est exprimée par les élèves à l'insu de leurs parents. Et quand on appelle les parents pour dire... Mais donc, à une volonté religieuse, vous opposez une interdiction communale. Est-ce qu'elle passe bien ? Elle passe par le dialogue, évidemment. Donc, on ne gave pas les enfants qui refusent de s'alimenter. Donc, ça, c'est très clair. Mais par contre, il y a un dialogue qui est mené à la fois par les directions d'école avec les élèves. Et aussi, on fait appel aux professeurs de religion islamique qui sont nos alliés dans ce combat-là et qui convainquent les élèves que c'est trop jeune pour faire le ramadan. D'où vient cette volonté de faire le ramadan à l'insu des parents? Dites-vous, on entendait ce matin dans le journal de 7h de Viva, les chevins de l'enseignement à Schaerbeek qui parlaient d'une course aux meilleurs musulmans dans laquelle se lanceraient les petits, c'est ça ? Oui, on n'a pas d'études scientifiques. Ce sont ces mots, hein, ce sont les mots de l'échevin Scarbeck. Je pense aussi que c'est une volonté de montrer peut-être de manière un peu plus ferme son identité. Et donc c'est clair que ce n'est pas le modèle que nous on souhaite pour les écoles de l'enseignement officiel. Est-ce que certains élèves passent outre votre interdiction et outre le dialogue avec les professeurs de religion islamique ? Est-ce que des petits de primaire ont fait ou font le ramadan ? Oui, mais c'est très très minoritaire. Et de toute façon, les élèves qui quittent l'école le midi, là, on n'a évidemment aucun contrôle. Mais sur ceux qui restent à l'école, on n'abandonne pas et on n'habite pas sur ce principe-là. On continue à essayer de les convaincre que c'est trop tôt pour faire le ramadan. C'est une interpellation médicale qui est la vôtre ou c'est une interpellation de principe dans les écoles de la commune où on ne jeûne pas ? Ou c'est parce qu'il y a eu une alerte médicale venant d'ailleurs ? Il n'y a pas d'alerte médicale particulière, si ce n'est qu'on sait bien qu'à cet âge-là, il faut s'alimenter, en particulier en période d'examen. Mais je voudrais préciser que la position qu'on a, elle n'est pas limitée à cette année-ci, où effectivement le ramadan tombe en pleine période d'examen, mais que même dans le reste de l'année, on maintient cette position, qui est de dire qu'il faut parler dialogue, convaincre les enfants que ce n'est pas bon de s'alimenter, de ne pas s'alimenter à cet âge-là. Le récit de terrain, cette volonté de faire le ramadan avec l'accord ou non des parents, peu importe, mais elle émerge... En quelle année ? Dès la première primaire en général ou ce sont plus des comportements de fin de parcours primaire ? Oui, c'est ça, c'est plutôt 5e, 6e, même si on a l'un ou l'autre cas isolé d'élèves beaucoup plus jeunes, mais ça reste très très très marginal. C'est effectivement 5e, 6e où on constate ce phénomène de plus en plus présent. Sur le secondaire, quel impact ? Mais sur le secondaire, on n'a pas vraiment d'indication parce que généralement les élèves ne restent pas à l'école pour manger le midi, et donc on n'a pas d'indication particulière sur ce qu'ils font ou ne font pas en dehors de l'établissement scolaire, mais j'imagine que la volonté est la même qu'en primaire. Je reviens deux secondes sur votre effort de dialogue et ou de prévention, c'est selon, est-ce que ça veut dire que ces élèves de primaire reportent le ramadan, parce que c'est une possibilité qu'ils auraient laissée, reportent ce moment de ramadan au mois de juillet ou au mois d'août, ou c'est un abandon complet après votre travail de prévention ? Oui, là, je vais être honnête, je n'ai pas d'informations particulières. Nous, on s'inquiète tout particulièrement de ce qui se passe dans le monde scolaire. Et donc, moi, je n'ai pas d'infos particulières sur ce qui se passe pendant les périodes de vacances. Alors, dernier élément, parce que le son de cloche ce matin un peu partout et que ces élèves de primaire font le ramadan à leur demande, ce n'est donc jamais une volonté parentale. On ne peut pas dire que c'est jamais une volonté parentale, mais c'est dans l'immense majorité des cas quelque chose qui se fait parfois à l'insu des parents même, qui, comme je le disais, sont surpris quand la direction de l'école prévient pour dire que l'enfant n'a pas à manger. L'exécutif des musulmans de Belgique vous a donné le moyen d'aborder les élèves ou ce sont uniquement les professeurs de religion islamique qui sont à la manœuvre ou l'exécutif des musulmans vient vers vous ? Ah ben, ils viennent pas vers nous, mais je pense qu'ils ont pris une position très claire qui dit qu'il faut pas se mettre sa santé en danger pour pratiquer le ramadan. Et donc, c'est clair que pour nous, le fait de faire un ramadan si jeune est un élément qui est dangereux médicalement. Et donc, je pense qu'on se raccroche, et les professeurs de religion islamique se raccrochent à cette décision de principe général qu'a pris l'exécutif et qui nous est évidemment fort utile. Oui, il y a eu une prise de position qui dit, vu que l'islam prend la facilité dans la difficulté, vu la longueur des journées de jeûne cette année, vu l'importance et la priorité de la réussite des examens, le jeûne peut être reporté. Merci Fabrice Kums, vous êtes à l'échevin de l'enseignement dans la commune d'Anderlecht. On va vers les enseignements dans un instant. On n'est pas des pigeons, vous non plus ? Alors rendez-vous dès 11h, sur Vivacité. Autant d'or, votre bijoutier vous accueille avec le sourire pour offrir un bijou en or 18 carats, une montre de qualité telle que Gucci, Michel Herbelin, une écoute et un service. Autant d'or au centre de Malmedy. Retrouvez-nous sur Facebook ou sur localizy.com. Le commerce autrement, localizy.com. localizy.com. Bonjour, c'est Romelu Lukaku. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Un bon plan, c'est ne pas devoir choisir entre s'offrir un nouveau smartphone et partir en vacances. Un nouveau smartphone ! Ah oui, ça sonne bien ça. Ou des vacances au soleil ! Ah, ça sonne plutôt pas mal non plus. Et si je m'offrais les deux ? C'est possible. Jusqu'au 15 août, le Samsung Galaxy J5 est à seulement 29 euros avec Dauphin 25 smartphone dans votre shop Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Oh. chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et nous voici au moment des enseignements. On commence par le débrief question qui dérange et le ramadan des élèves de primaire. Zoé Boss, page Facebook. Et sur la page Facebook où vous êtes 38 256 à faire le débat ce matin, dont Josiane. Pour elle, il faut impérativement retirer les religions de l'école. Nous ne sommes plus au temps où les bonnes sœurs donnaient cours dans les écoles pour le petit peuple et les précepteurs pour les enfants de riches. Avant qu'il ne soit trop tard pour le vivre ensemble, il faut imposer la laïcité dans tous les établissements publics, nous dit Josiane ce matin sur la page Facebook. Benjamin. Vous avez souhaité une conversation sur les Diables Rouges. Vous étiez où hier soir pour assister au triomphe et avons-nous notre match référence? Vous étiez où? Eh bien, on retiendra à Neuville, dans la cour de récréation, sous chapiteau, la farandole des professeurs après le match. On retiendra également Xavier qui a fait un tour de Belgique hier, le placeur d'écran qui a démarré à Namur, a vécu deux buts dans sa voiture avant de clôturer avec le dernier à Mons sur la Grand Place de Mons. Enseignement lié au match d'hier, la Belgique sûre d'elle, la Belgique libérée, avez-vous dit. Et puis, l'impression d'abord d'une victoire vendredi face au Pays et un pari sur la demi-finale qui devrait opposer la Belgique à la Pologne et non pas au Portugal. Dernière personne à laquelle vous avez parlé au standard, Marion. C'était Yves de Beaufailly. Yves a regardé le match au tennis club de Beaufailly hier soir. Il arrivait une heure à l'avance pour être sûr d'avoir des places. Alors Yves explique que l'ambiance était dingue, c'était de la pure folie au tennis club. La troisième mi-temps a duré jusque 3h du matin. Aujourd'hui c'était un peu difficile pour Yves de se réveiller à 6h, mais il est quand même allé travailler et il ne regrette pas du tout. J'ai perdu ma table. Et vous avez choisi d'aller plus loin sur un pays qui, dans son intégralité, a regardé le match des Diables hier, parmi les moments de ce matin. Ce matin, il y a eu Alain de Chauxfontaine à 10h11. Alain a regardé le match tout seul chez lui. Il ne s'est pas encore remis de l'émotion qu'il a traversée hier soir, un énorme sentiment de bonheur. J'ai perdu ma femme et mon fils, donc j'étais tout seul, j'ai 73 ans. Et vraiment, c'est le bonheur. J'ai toujours mal aux mains, tellement que je me suis levé et j'ai applaudi, moi. Je trouve qu'ils apportent au pays un bonheur incroyable. Et on était une quinzaine à la maison, entre amis. C'était fantastique. Très, très, très, très bonne ambiance. C'est ce qui pouvait arriver de mieux, parce qu'on savait qu'on allait tomber contre un mur. Si on peut faire sauter le verrou à partir de la dixième, bah forcément, tout le match devient bien plus facile. Donc, c'était le meilleur des scénarios. J'étais chez moi, dans mon divan, parce que je suis bloqué par une hernie discale, sinon j'aurais été dans le stade. Si mon chirurgien m'avait vu, je me serais probablement fait en guirlandais, mais j'ai bougé dans le divan pour le premier but, à genoux par terre pour le deuxième, à courir autour de la table pour le troisième, et le quatrième, je ne m'en souviens plus. Et moi, je pense que c'est vraiment à partir des demi-finales, si on les attaque, là, on va vraiment voir où se constitue. Quand on va tomber contre une grande nation, ben là, on pourra... Pour moi, c'est le moment là qu'on verra, voilà, notre niveau. Ou tomber contre les Allemands, ou les Anglais, ça n'ira quand même pas comme ça. Ah, moi, j'étais à R, le village de R, à côté de Tournai. Il y a un écran géant dans une salle des fêtes et on est facilement 500 personnes. C'est la folie. Enfin, moi, c'est du jamais vu. Donc, quel est le but qui a été le plus crié? Je crois que c'est le premier. Hein. Le premier et bien sûr la délivrance, le deuxième. Ensuite, c'était toujours la folie, mais ces deux buts-là étaient importants. C'était la fête scolaire de mes enfants à Neuville. Quel est le but d'hier pour vous? Le but d'hier, c'est celui d'Hazard, comme pour tout le monde, je crois, parce que Hazard, là, nous a sorti de grands jeux. En deuxième, le premier, parce que le premier, c'est ça qui a mis l'ambiance un peu partout. Et prochaine étape donc, vendredi, peut-être même qu'on reparlera des Diables Rouges d'ici là, la suite c'est sur la page Facebook, c'est vous qui le dites, elle est à votre disposition 24h sur 24, dans la dernière semaine de c'est vous qui le dites, avant l'été. Voilà pour nos deux heures de dialogue, passez un excellent lundi.